pointer du doigt le régime syrien qu'il juge responsable de l'échec du cessez-le-feu. Il estime que la tragédie syrienne sera une honte devant l'histoire pour la communauté internationale. La France a 4 exigences: imposer un cessez-le-feu, assurer l'acheminement de l'aide humanitaire, permettre la reprise des négociations et sanctionner le recours aux armes chimiques. Le chef de l'État a rappelé que des milliers d'enfants sont écrasés sous les bombes tous les jours et que des populations entières sont affamées. 3 ados en garde à vue après la fausse alerte de prise d'otages à Paris. Ils sont âgés de 14 et 17 ans et ont été interpellés en Vendée et en Lozère, des distances géographiques éloignées qui démontrent qu'ils ne se sont jamais rencontrés mais qu'ils ont agi via Internet. Le lien avec la fausse alerte n'est pas établi pour l'un des 3 jeunes arrêtés. Les 2 autres vont être entendus au 36 quai des Orfèvres par les policiers de la section antiterroriste. Une nouvelle augmentation pour les fumeurs. Cela concerne cette fois-ci le tabac à rouler. Pas de chiffres pour l'instant. On en saura plus vendredi. La proposition sera présentée au gouvernement et fera partie du budget de la Sécu pour l'année prochaine. Aucune hausse des paquets traditionnels n'est prévue pour l'instant. Un décret publié hier et qui concerne tous les motards. Le port du gant sera obligatoire à partir du 20 novembre. Jusqu'à maintenant, c'était vivement conseillé. Cela concerne tous les 2 roues, du petit scooter à la grosse cylindrée. Le passager également devra en porter. En cas contraire, ce sera 1 point en moins et 68 euros d'amende. La fin d'une histoire d'amour qui aura duré 12 ans. Déluge de réactions sur les réseaux sociaux à l'annonce du divorce entre Angelina Jolie et Brad Pitt. Pas d'histoire de tromperie à première vue. Angelina Jolie a eu peur pour l'éducation de ses enfants à cause de la consommation de drogue et d'alcool de Brad Pitt. Ils ont adopté 6 enfants ensemble et s'étaient rencontrés en 2004 sur le plateau de Mr. and Mrs. Smith. Du sport et du foot avec l'ouverture hier de la 6e journée de Ligue 1. Lille a chuté à domicile contre Toulouse. Score final 2-1. Paris n'a eu aucun mal à dominer Dijon. 3-0 avec un but signé Cavani. Les Parisiens reprennent provisoirement la tête du classement. Monaco peut repasser devant ce soir en cas de victoire contre Nice. Ce sera à 19h. À l'affiche également Angers-Caen, Lyon-Montpellier, Bastia-Nancy, Metz-Bordeaux, Guingamp-Lorient et Nantes-Saint-Etienne. On suivra ensemble dans la radio libre dès 21h la rencontre entre Rennes et Marseille. Et voilà, encore une soirée foot à suivre sur Skyrock. Merci Rémi pour les infos et les piles. Bah t'es pile à l'heure, c'est bien. Bah oui. Hein. Pile 6h du matin sur Sky. Bon réveil, bon mercredi. C'est parti pour le Morning en direct. De quoi rêver l'équipe cette nuit? Diffoul a rêvé qu'il faisait de la radio en direct de la planète Mars. Et bienvenue à vous tous et à vous toutes. Bonjour à tous. Romano a rêvé qu'il avait gagné à l'Euro Millions. Cédric a rêvé d'un kebab. Non, la crème fraîche, c'est toute ma vie. Cariole a rêvé d'un très gros kiki. Ça change de Romano. Salut. Et non, vous ne rêvez pas. Ils sont bien avec vous ce matin. En direct de l'appart, 6h-9h. C'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Et oui, on est bien là. Bon réveil à vous tous et à vous toutes. Bonne journée, bon mercredi. On est le 21 septembre. Il fait froid ce matin, dites donc. Ouais, pas chaud, ouais. Voilà, vous vous rappelez, il y a 15 jours, on était là. Oh, il fait chaud, mal dormi. Ah bah là, c'est fini. Ouais, ça y est, c'est fini. Mais ça commence pour le morning jusqu'à 9h. Bonne journée à vous. Bonjour à la bonne couille qui vient d'arriver, à Biba, à Laura qui nous fait un bisou, Cathy qui nous embrasse aussi, bisous et coucou. Bonjour à Chris, bonjour à Yo. Bah, je vois que même avant de vous avoir donné le numéro pour les messages, vous l'avez déjà, en tout cas pour les plus fidèles. Pour les autres, eh bien, vous êtes les bienvenus sur Skyrock. Notez bien, c'est le 41-759. Ça vous permettra de jouer avec nous, de gagner plein de trucs ce matin. On salue l'équipe aussi. Salut, Cariole. Salut. Salut, salut, Sam. Salut. Salut. Puis, salut à vous aussi qui venez d'ouvrir les yeux. On va retrouver un invité mystère dans moins d'une demi-heure à 6h20. Un invité mystère à découvrir sur Skyrock ou une émission mystère. On verra. En tout cas, on va vous offrir votre PS4, la ouais. Slim, la toute nouvelle. Elle est à gagner. Tout à l'heure, vous choperez également dans la matinée vos iPhone 7 et puis évidemment 1500 euros. Ça vous ferait plaisir qu'on vous appelle ce matin, j'en suis sûr. Oh oui, ça vous ferait plaisir qu'on vous passe un coup de fil. Tombé encore 2 fois hier matin. On va jouer toutes les demi-heures, on passe un coup de fil, on vous demande quelle est votre radio préférée. Skyrock. Évidemment Skyrock, et si vous répondez Skyrock, c'est 1500 euros pour vous. Hier matin, c'est tombé du côté de Douai à Marquette, en Ostrevent, chez Yannick, et c'est tombé aussi sur la Côte d'Azur, chez la belle Marie. Écoutez Marie, comme elle est belle au réveil, elle a gagné hier matin. On va te poser une petite question, je t'ai pas dit, mais on est en direct à la radio. D'accord. Et on a 1500 euros à t'offrir, Marie. Oh non, c'est pas vrai. Ah si, c'est vrai, je suis désolé d'arriver avec une nouvelle comme ça. Hein. C'est terrible. Tu vas peut-être gagner 1500 euros si t'as la bonne réponse. On va te demander, quelle est ta radio préférée, Marie? Ah bah c'est Skyrock. Et bah c'est gagné. Bravo, Marie. Oh, c'est pas vrai. Et si, c'est gagné, il suffit de répondre Skyrock. vous avez compris, hein. On vous parle radio au téléphone, vous répondez Skyrock, c'est 1 500 € à gagner. Ouais. Et pour augmenter vos chances de gagner, vous pouvez même aller sur un autre numéro que je donne tout de suite, le 72020. Vous envoyez 1 500 au 72020. Vous pouvez envoyer 1 500 maintenant et peut-être qu'on vous tirera au sort dans la matinée, là. C'est possible. Et oui, tout est possible, Romano, tu le sais, dans le morning. C'est ah, un tout peu est possible. La folie. Et vous n'entendez pas Cédric car il s'est cassé la clavicule, vous êtes au courant, il a mal au cut également. Ah oui, 4 cuts. Et bien, je vous l'annonce tout de suite avant la fin de ce morning. Restez bien là. Des nouvelles de Cédric à retrouver, des nouvelles très très importantes pour savoir s'il va bien pour tous ceux et toutes celles qui se posent plein de questions. Eh bien, vous en saurez un peu plus avant 9h, c'est promis. Je crois de bois, croix de fer. Si je mange, je vais en enfer. Et vous savez qu'on parle encore plus de Cédric que de Brad Pitt et Angelina Jolie. Sur les réseaux sociaux, évidemment, Romano, évidemment. Cédric fait le buzz. Oui, vous êtes des millions. Fait la buzz. Des milliards, tu me disais d'ailleurs. Des milliards, matin, À nous demander tous les matins, tous les soirs, mais qu'est-ce qui est arrivé à Cédric? Où qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il est tombé en mobilette. Il est tombé en mobilette. Ah, ton info sur la mobilette élégant, Rémi, là. Ouais. C'est pour Cédric, hein, c'est pour la mobilette. Ça concerne également les motos, tu nous as dit, tous les deux roues, mais également les vélos. Les vélos? Bah, j'en sais rien, c'est toi qui disais, ça concerne tous les deux roues. Ah, non, c'est un vélo. Peut-être c'est... pour toi, c'est à quatre roues parce que t'as les deux petites roues derrière, mais. Non, tu es quand même au courant que c'est toi le journaliste. Ah bon? Les informations. Non. Oh non, tu dis ça, moi. C'est tout ce qui est motorisé. C'est pas lui qui écrit ses flashs. C'est pas lui qui les dit, peut-être. Ouais. J'ai entendu ça dans le flash de 6h sur Skyrock avec un type qui s'appelle Rémi qui fait les flashs toutes les demi-heures. Ah, bah je crois que c'est juste les motos. Non, c'est tout ce qui est motorisé, ouais. Ah, tout ce qui est motorisé, donc pas les vélos. Non. Très bien. Bon, dans un instant, on va retrouver un mec qui, même quand il fait des films pas drôles, moi, me fait rigoler. Écoutez bien sa voix. Tiens, je vais vous offrir un t-shirt. C'est pas un invité mystère, hein, presque. C'est pour le réveil de star du jour. Une star du cinéma qui est drôle, mais souvent sans le vouloir. Qui c'est donc? Écoutez bien. Bonjour. Je sais pas. Ah, dites-nous s'il y a du cinéma. Ouais, star du cinéma. Ah oui, star international du cinéma, oui. Bonjour. S'il y a une star internationale du cinéma qui, même quand il essaye de pas être drôle, vous fait rigoler, dites-nous. Et puis si vous trouvez, je vous file le t-shirt Skyrock comme ça dès le début de la matinée pour se réveiller. Bonjour à Hello Catch, bonjour à Firefighter, bonjour à Miss Stone, bonjour à Doug Pitt. Bonjour Doug Pitt. Oh, et Brad et Angelina. Ah, quel terrible. Si vous saviez ce que j'en ai à foutre. Ah, les Brad et Angelina. C'est quand même un truc de fou, ça. Ouais, mais c'est bizarre qu'on en parle autant. Bah ouais, c'est mais hier soir, tu nous en parlais, Romano. Rémi, il a raison sur tous les réseaux sociaux. Mais c'est, parle que de ça. C'est le drame. Oh, les Brangelina divorce. Donc je salue Doug Pitt, là, qui nous a laissé un message. Ça m'a fait penser à Brad Pitt, c'est pour ça. Allez, c'est parti pour le morning. Leçon pour se réveiller. Ken Jones à 6h05. Hola. Hola, hello. Hola, qu'est-ce que tu as? Hi, ciao et bonjour. Bienvenue sur Skyrock. Allez, c'est parti jusqu'à 9h. C'est le morning. Je crois qu'on va bien rigoler encore ce matin. C'est parti, en direct. And telling me that you say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I'm about it. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love her, mom. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I'm about it. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love her, mom. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she says, I'm about it. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she says, I'm about it. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she said, sabate. And I said, na bule. No matter where I go, go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she said, sabate. And I said, na bule. No matter where I go, go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she says, I pass it. And I said, na bule. No matter where I go, go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she says, I pass it. And I said, na bule. No matter where I go, go, you know I love them all. Ken Jones sur Skyrock, ça c'est toujours bien pour se réveiller. En plus, ça fait penser au soleil, aux vacances. Un des titres de l'été de Skyrock. Hein. Ken Jones. Et je vous le dis, c'est fini l'été. C'est ouais, c'est fini, ça se sent. Les vacances aussi. Eh, quoique, Rémi avait des bonnes nouvelles dans la météo. Il y a du soleil aujourd'hui. Ouais, il fait beau aujourd'hui. Ouais, ouais, la température monte cet après-midi. Pas ce matin. Ce matin, ça caille. Hein. Ouais. Ah, vous avez trouvé. Je vois les réponses que vous laissez depuis tout à l'heure. Vous avez trouvé la réponse à la question que je vous ai posée il y a un instant. C'est peut-être Brad Pitt. Mais non, Romano, je t'ai déjà avec dit. Avec Angelina. Ils nous font chier avec Brad Pitt et Angelina. Ils s'en foutent de leur ville, à leurs six gosses. Mais ils se séparent, merde. L'autre qui fume du shit. Et alors, et ouais, alors quoi, et puis... elle qui nous fait chier alors qu'elle s'est. Hein, ah ouais, non, mais alors elle est sous quand même de la gueule du monde. Elle s'est débattée la gueule comme jamais, quoi. Oui, et, c'est vrai. Et maintenant, elle fait chier Brad. C'est parce vrai. Parce qu'il fume 2-3 pétards avec George Clooney. Exactement. En buvant Waddles. En buvant. je bois d'ailleurs la même chose, en buvant un espresso. Ouais, bah voilà, c'est ça. Oui, et ouais, t'es le table des crises. Alors, donc l'acteur dont je vous parlais il y a un instant, si vous venez de vous réveiller, je vous explique tout. On parlait d'un acteur qui, même quand il veut pas être drôle, moi, me fait rigoler. Tiens, d'ailleurs, en parlant de drogue, lui aussi, bon. Lui, au niveau de la drogue, il y allait, mais c'était pas des pétards. Hein, ah non, ouais, c'était un peu plus fort. Ouais. Alors, écoutez bien sa voix, c'est lui. Je suis un garçon qui est, je crois, très intelligent. Mais oui, ah oui, mais ça c'est sûr. Mais c'est ça. Ça c'est sûr, il est très très intelligent. Je suis vraiment un mec qui est tout à fait pas spécial, tout à fait normal. Non, ça, c'est non, normal. Non. Alors non, Jean-Claude, parce qu'il s'appelle Jean-Claude. Hein. CJC. Oui. CJC, ouais. Jean-Claude, non, tu n'es pas un mec normal. Bonjour d'ailleurs. Bonjour. Et on va dire bonjour à Fabiano qui a trouvé la bonne réponse. Fabiano de Paris. Salut Fabiano. Salut Fabiano. Comment va ce matin? Bah, ça va très bien. Oh là, ça se réveille, dis donc. Mm-hmm. Ah bah oui, attends. Eh ben, le morning est fait pour ça, tu sais. Donc oui, c'est normal. Ouais. Vous avez le droit de venir la tête dans le cul le matin. Hein. Bah, vous repartez hein. La tête à l'envers, mais vous arrivez la tête dans le cul. Alors c'est tu l'as reconnu, notre star. Moi, il me fait rigoler tout le temps. Notre star de ce matin, c'est le réveil de star. Il va s'en occuper. Bah oui, bah attends, c'est lui, c'est 1 plus 1, ça fait 2, mais 1 plus 1, ça peut faire 11 aussi. Alors attends, justement, tu dis. Un monde. 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 1 égale. Égale 2. Non, 1. Non, 1. Voilà. Tu t'es trompé, Fabiano. 1 plus 1 égale pas 2, mais égale 1. Mais c'est 1 plus 1 égale 1. Ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Eh oui. Et ça, c'est beau. Et ça, voilà. C'est beau. 1 plus 1 égale 1. Non, mais peut-être que 1 plus 1 égale 11 aussi. Et là, c'est magnifique. Ce Jean-Claude est un philosophe. Alors, c'est Jean-Claude qui ? Vandame. Oui, bravo. Allez, Fabiano, bravo. Bien joué. Tu mérites ton t-shirt Skyrock qu'on va t'envoyer à la maison. Mais qu'est-ce que tu vas être beau avec. Ça va être la folie. Merci. Eh bien, je peux avoir une petite dédicace, un truc dessus ou pas? Oui, on va t'envoyer une petite dédicace. On fera une tâche, ouais. Une tâche de sauce ou un truc sympa. Et notre réveil de star ce matin, c'est Jean-Claude Vandame. Tu te demandes pas comme moi comment il va être accueilli par les familles ce matin, Jean-Claude? Moi aussi. Ah, toi aussi. Ah, mais non, mais je viens ravager. Donc, Fabiano, tu vas pouvoir y assister en direct. Avec nous, le coup de fil de Jean-Claude Vandame à un Didier ce matin. Salut Fabiano, merci du coup de fil. Allez, merci à vous. Ciao Fabiano. Ciao. Un réveil de star. Une star. Un appel. On écoute. Là, j'ai le remix du jingle. Les stars réveillent la France. Ah, stop, arrêtez l'éclatement. Merde, arrêtez cette histoire. C'est le réveil de star sur Skyrock. Et ouais, et c'est Jean-Claude Vandame, donc et Didier ce matin pour le réveil de star. C'est parti. Allez, à 6h11. Tous les matins, une star réveille les Français. C'est beau, c'est seulement sur Skyrock. Ouais. Eh ouais. Salut Luc. Oui, allô. Bonjour. Oui, salut. Mon nom, c'est Jean-Claude Vandame et je suis un mage. Ça va? Je suis heureux. Bon, quoi de neuf? C'est-à-dire que je crois que dans la vie, on a tous une mission à faire. Bon, t'as changé de boulot ou pas? Je suis parti en Amérique et j'ai tenté ma chance, quoi. Non. Je suis un acteur, je suis à LA, je travaille pour être acteur. Non, c'est à Los Angeles? Faut être persévérant. Et t'es parti faire quoi là-bas? Je travaille pour être acteur. Acteur? Ah bon? Être un acteur, c'est ne pas être un acteur. C'est de devenir une chose réelle dans une vie parallèle à la nôtre, dans la pellicule. Dans la pellicule. C'est pas Jean-Claude, ça c'est sûr. Je suis Jean-Claude Van Damme. Ah ouais, putain, merde, tu m'en bouches un coin, toi. J'ai cru que je m'étais trompé de Jean-Claude, là. Je suis vraiment un mec qui est tout à fait pas spécial, tout à fait normal. Ah, oh, t'as démissionné, puis t'es parti comme ça? Il faut rêver le rêve, c'est très bien simple, que ça devient plus réel que la, vraie, que la vie réelle. Oh putain, elle est bonne celle-là. Putain, c'est... Alors là, tu me scotches. J'ai cru en mon rêve. Bon, tu me racontes des conneries là encore. Bon ouais, attends, tu poses ma gueule. Il est con lui. Et ça, c'est beau. I love you. T'as fumé la moquette ou quoi? La coke, faut pas toucher, c'est de la merde. Ah. Non, non, non, non, non. Pas encore ma tasse de thé, hein. Je suis allergique à la coke. Ah bon? On est tous homo. Quand il y aura plus de femmes, qu'il y aura plus de maguettes, on verra, hein. Et rien de mieux dans la vie que dire la vérité. Bon, ben écoute, mon petit Vandame, hein, continue la muscu, la coque, hein, et quand tu veux, tu rappelles. Pour moi, maintenant, it's over. It's over. It's over. Comme tu le dis, Jean-Claude Vandame. Alors, au début, le gars, là, Didier, il a cru que c'était un pote à lui. Ben ouais, bah, Jean-Claude, t'es parti à Los Angeles. Mais qu'est-ce que t'allais foutre à Los Angeles, Jean-Claude? Ah, tu me scotches. Il est super, ce Jean-Claude Vandame. Ah, Jean-Claude. Jean-Claude Vandame qui reviendra. Allez, c'est promis. Dans moins d'une heure, on le retrouve pour le prochain réveil de star. Avec une nouvelle famille, un nouveau client, hein, comme on dit. Ah, bah, bien sûr. Bon, Jean-Claude Vandame de retour. Ah, un gros son dont je vous avais pas parlé dès le début de l'émission. Mais alors, voilà, un grand, grand, grand classique. Notorious B.I.G. Rémi l'Américain, qu'est-ce que tu en penses? Ah, oh, je suis fan de Biggie, j'adore. Fan de Biggie. C'est un malade. Ah, mais je kiffe, je suis parti devant chez lui et tout, moi j'adore. Hein. Ouais, ouais, bah tu l'as pas vu parce qu'il est mort. Ouais. Ah, bah, je sais, mais j'ai vu sa maman et sa femme. Ah, bah femme. Super, bah, les pauvres. Ça a dû leur faire plaisir. Ils sont déjà bien assez tristes comme ça. Oui, c'est vrai. Et il y a Rémi qui se pointe. Ah, Notorious B.I.G. qu'on retrouve tout de suite sur Skyrock. Écoute bien les paroles de cette chanson, Romano. Mot monnaie, mot problème. Oui, plus de monnaie, plus de problèmes. Exactement. Tu vois, t'en gagnes trop dans les conseils pas chers. C'est sûr. Voilà, et puis on en aura pour vous de la monnaie aussi. Hein. Notorious B.I.G. est dans un instant. Votre console à gagner, la PS4 Slim, la nouvelle, elle est pour vous, elle est sur Sky, l'invité mystère arrive, allez. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Tell me who rock, who sell out in the stores. You tell me who flop, who cop the blue drop. Who jewels got pops, who mostly go shoot down to the blue drop. The same old pimp, Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on a blimp. Guarantee me and shells for the level up. You don't believe in Harlem World, nigga, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me, 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the goldie sound. Can't no P&D, niggas hold me down. Cooler, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Woody. True pimp, nigga, spend no dough on the booty. When you yell, there go Mace, there go your cutie. See me die, then see me fly. I call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, cop all the drops. I know you're thinking now when all the ball is stopped. Nigga never home, gotta call me on the yacht. 10 years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do with a school that got money much longer than yours? And a team much stronger than yours. Violate me, this a B.O. day. We don't play, mess around, be D.O.A. Be on your way, cause it ain't enough time here. Ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down fair. And I'm bigger than the city life down in Times Square. Yeah, yeah, yeah. No info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme. stay clean. Triple beam, miracle dream. I be that. Catch a seat at all events. Bent. Gats and holsters. Girls on shoulders. Playboy, I told ya. Me and Mike to me. Bruise too much. I lose too much. Step on stage. The girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. Me lose my touch. Never that. If I did, ain't no problem. And get the gap. Where the true players at? Throw your rollies in the sky. Waving side to side. And keep your hands high. While I give your girl an eye. Player please. Lyrically. Nigga C. B-I-G-B. Flossing. Jig on the cover of Fortune. 500. It's my phone number. Your man ain't got the know. I got the dough. Got the flow down. Pizzack. Black and plus. Like Zizak. Dangerous. On Trizak. Leave your ass Pizzack. Sur Skyrock, on écoutait Mo Money, Mo Problème. Et oui, c'était Notorious B.I.G. pour se réveiller ce matin, en ce mercredi matin. Il est 6h19. Allez, on va jouer ensemble tout de suite. C'est l'heure de retrouver l'invité mystère, un invité mystère à découvrir au 41-759 ou alors sur l'appli Skyrock. Vous envoyez la bonne réponse. Dès que vous avez reconnu sa voix, je donne pas de top. Hein. Dès que vous avez la voix de l'invité mystère, j'ai pas donné d'indice, donc pas de top. Dès que vous avez la voix, le nom de l'invité mystère, vous nous envoyez ça et vous gagnez votre PS4 Slim. Elle est pour vous. Alors ce matin, on est dans les génies. Hein. Ah. On a eu Jean-Claude Van Damme il y a 5 minutes. On le retrouvera tout à l'heure dans le morning. On aura un moment spécial Cédric ce matin aussi pour prendre des nouvelles de Cédric, puisque vous avez été des centaines de milliards d'après les derniers comptes effectués par Romano sur tous les réseaux sociaux, des centaines de milliards à demander des nouvelles de Cédric. Et bien ce matin on s'en occupera dans pas longtemps. Ah mais ça buzz plus que le divorce hein, de Brad Pitt et Angelina Jolie. Oui, leur divorce à la con et a été battu, on peut le dire. Ouais, c'est Cédric, ça. Hein. Bah, Cédric tient le haut du pavé. En TT mondial, on a Cédric et après Brad Pitt et Angelina Jolie. C'est ça. Seulement, ouais. Bon, et là on va faire dans la culture. Je vous disais, après Jean-Claude Van Damme, un génie, d'autres génies à découvrir tout de suite et une émission mystère dont il faut nous donner le titre tout de suite. C'est une émission qu'on va découvrir. Allez. L'invité mystère de ce matin. L'invité mystère. What? C'est elle. Écoutez-la bien. Elle et ses copines. Ça veut rien dire, la culture générale, ça fait pas tout dans la vie. Hein. Ah ouais, mais tu as raison, mais tu en as beaucoup, toi. Tu es très intelligente. Ça, elle a l'air. Et au niveau de la culture générale, vraiment, je te mettrais 20 sur 20, moi. Je m'en fous de la culture générale. Non. Moi, j'ai pas de cultivation, on le sait, c'est pas mon délire. Je n'ai pas de cultivation, mais oui. Ouais. Attends. Mais tu en as beaucoup plus que tu ne le penses. Ouais. Je ne sous-estime pas. Sache que tu es toi aussi un génie comme Jean-Claude Van Damme. Alors, c'est un des membres d'une émission, mais il me faut le nom de l'émission. Ou son nom à elle, c'est comme vous voulez. Allez, vous nous laissez vos réponses au 41-759 et sur l'appli Skyrock. De quelle émission il s'agit? Vos réponses très vite. Et dans un instant, on vous retrouve très vite. Et on fera un concours de culture générale entre elle et une de ses copines. Très bien. Les deux sont très très intelligentes. Hein. Attention, ça va voler haut. Ouais, ça va voler haut. Et vous allez voir, on va se sentir con juste après, tellement elles sont intelligentes, les deux filles. J'imagine. Allez, 6h21. Vos réponses au 41-759 et sur l'appli. Vous laissez bien votre numéro et on joue ensemble tout de suite. Skyrock débarque sur Deezer. Il t'offre ton abonnement premium plus d'un an. À 10 heures. À toi la musique gratuite et illimitée en haute qualité audio sur ton mobile, ta tablette et ton ordinateur. Sans publicité. Avec la possibilité de télécharger toute ta musique préférée pour l'écouter hors connexion. Écoute Skyrock à tout moment et gagne toi aussi ton abonnement Deezer premium plus. Merci beaucoup. Deezer, la musique que vous voulez. Partout, tout le temps. Skyrock. Retrouve aussi Skyrock en HD sur l'appli radio Skyrock et Skyrock.fm ou à la radio dans ta ville. Tout l'été, Géant Casino t'a fait vibrer au rythme du Brésil en mode barbecue fiesta. Aujourd'hui, Géant Casino félicite Nicolas, Géraldine, Emmanuel et Pauline pour avoir gagné le concours du plus beau barbecue de l'été. Leur récompense, 8 jours de fiesta au Brésil, tout frais payé. Merci Géant Casino. J'arrive chez McDo. Je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire ? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. 6h-9h. Et le son du Ghetto Phénomène maintenant, c'est les potes de Jul, les Marseillais, le Ghetto Phénomène et Jul d'ailleurs, qui est aussi sur ce morceau Maria Maria. Tu le sais qu'on connaît, on connaît, connaît, connaît. Je reste fidèle au Paris, yo. Je reste fidèle au Paris, yo. Ils ont mis l'œil sur ma gari, yo. Ils ont mis l'œil sur ma gari, yo. Je t'ai rien fait, tu me salis, yo. Je t'ai rien fait, tu me salis, yo. Oh Maria, Maria. Qu'est-ce que t'as pour varier? Oh Maria, Maria. Qu'est-ce que t'as pour varier? Je trace mon chemin, je ne pense pas à demain. J'ai tout le temps là. Comme moi, t'as deux jambes et deux mains. Qui t'a fait ça, je peux pas dire. T'inquiète pas, toi, tu verras pire. Je sais même plus ce que toi faire, mais je sais que tant demain, je peux partir. Je sortais de la zone, je cabrais dans la zone toute la journée. Je voyais les clients taper sur la vitre, le visage mouné. Je connais la galère, frapper des templates tout le temps pour qui. Espèce d'abruti, parle pas mal de la bouche, on va sortir l'outil. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. Je vais pas les donner, oh, la mama maïwa, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît, oh, on connaît, connaît, connaît. Je vais pas les donner, oh, la mama maïwa, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît, oh, on connaît, connaît, connaît. Je reste fidèle au Paris. Un pont qui est dans un parking. Mais tu sais que la retour, pour nous c'est la routine. Un aller sans retour, sur le 47 à Poutine. Et je patine, et je patine. Du mal à vivre à 200. Et je taquine, et je taquine. Tu finiras par prendre ma leçon. Comme tout l'on est fait d'or et platine. Innocent, coupable, mes frères, on a marre des gants. Fais pas les données, oh, la maman maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. C'est le morning de Default sur Skyrock. Bon réveil, bonne journée, on se prépare pour les conseils pas chers dans un quart d'heure, on va nous t'en occupe. On va parler ménage, tiens. On va parler ménage. Ménage et poussière et tout ça. On parle ménage ce matin. Ah si. Allez, dans un quart d'heure, le rendez-vous des conseils pas chers. Dans 5 minutes, les infos de Rémi suivies par vos 1 500 €. Vous allez gagner 1 500 € encore ce matin, j'espère. On a deux gagnants lundi, deux gagnants hier. On est mercredi et on essaie de faire 3. Ouais. Ou 4. On va voir. Ou 5, on va voir. Allez, toutes les demi-heures, vous gagnez 1 500 €. Mais tout de suite, on a mis en jeu la magnifique console, la PS4 Slim. Et elle est pour qui? Elle est pour Julien ce matin, en direct de Lyon. Salut Juju. Salut Difool, salut l'équipe. Salut Julien. Julien, tu as 33 ans comme le Christ. Oui. C'est ça. Alléluia, je t'accueille. En me jetant de l'aubigny sur le visage. Non, c'est vrai que tu ne finisses pas comme lui, oui. Oui, surtout, oui, parce que ça n'a plus pour longtemps, là, sinon. Ouais. Alors, Julien, écoute bien, on va parler de culture maintenant, de culture générale, et elle est très, très, très intelligente. Elle est très, intelligente. Très cultivée, écoutez bien. C'est la représentante de l'émission Mystère. Je m'en fous. tout de la culture générale. Moi, j'ai pas de cultivation, on le sait. C'est pas mon délire. Donc, à un moment donné, elle n'a pas de cultivation, mais oui, ça c'est la sûr. Pauvre. Elle n'a pas de cultivation générale. Alors, elle est dans quelle émission, c'est Jessica? Elle est dans les Ch'tis et les Marseillais contre le reste du monde. C'est gagné, Julien. Bien joué. Ouais. Bravo. Allez, bravo. La première console, elle part du côté de Lyon. Elle part chez toi, Julien. Ah, super. Merci, l'équipe. Eh, c'est bien, c'est bien. Tu fais quoi dans la vie, Juju? Je t'ai pas demandé. Moi, je suis chauffeur camion poubelle. Des chauffeurs camion poubelle, on salue tous les chauffeurs camion poubelle qui nous écoutent. Je sais que vous êtes plein, vous écoutez bientôt. Ouais, vous commencez bientôt, ouais. Vous écoutez même le replay, enfin le morning best juste avant. Et, dès le début, ouais. Eh ben, c'est super. Bravo Julien, la console elle est pour toi. Bosse bien, bon courage. Ah, merci. Merci. Ah, bah tiens, bon nous reste là, on va élire la plus idiote des deux parce qu'elle a une copine qui est rentrée hier dans les Ch'tis et les Marseillais contre le reste du monde. Ça va être dur de nous départager. C'est une meuf qui. Oui, tu sais de qui je vais parler de Kim. Kim, c'est l'espèce de brune avec des gros seins. Ouais. Très gros. Voilà. Et un petit cerveau. C'est un Kim. Petit. Et donc, Jessica et Kim, elles se détestent. Elles se sont retrouvées hier. Et on va élire quelle est. Les deux, c'est la grande classe, en tout cas. Oui, non, mais on va élire quelle est la plus intelligente des deux. On commence par Kim. Alors, Kim. Qui avait déclaré dans l'émission ça. La première guerre mondiale, elle était en 1945. Voilà, la première guerre mondiale. Ça a duré longtemps, merde. Bravo. Ça les pauvres. Ouais, bravo Kim, félicitations. La guerre mondiale a été en 1945. Ouais, la première. Ouais. Oui. Elle avait déclaré également, donc elle marque un point là déjà, je pense. Oui, oui. Un point dans l'intelligence. Oui. Et dans la cultivation, comme disait. Comme elle dit, ouais. Et tu savais qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas? Eh ben, ça c'est un truc de dingue. Ça. Elle a découvert qu'on avait tous la même lune. Il y a qu'une lune. Ouais, parce que pour elle, il y en avait plein des lunes partout. Bah, suivant où t'étais, il y en a vu de différentes. Ouais, bah, t'es à Marseille, t'as une lune, mais si t'es à Lille, t'en as une autre. Puis à Nice, à Lyon aussi, t'as une autre lune, toi. Parce qu'elle est pas tout le temps au même endroit dans le ciel. Là, je pense que Kim. Ouais. Tu le savais pas, ça. Eh ben, Kim marque un deuxième point sur la cultivation. Ouais, grave. Allez, un troisième. Mais genre, l'Égypte, c'est un pays? Non, c'est une mer. Non. L'Égypte, c'est une mer ou une montagne aussi, un peu. Non, mais la meuf, elle se lance d'où, sérieux? Genre, je vais en France, je vais en Égypte. Oui. Non, tu vas en France, tu vas pas en Égypte. Non, tu vas. Si tu vas en France, tu vas en France. Je pense qu'on peut lui mettre 2 points, Kim 4 points. Hein. Ouais. Hein, 4 points au niveau de l'intelligence. Mais, voici arriver Jessica. Parce qu'il y a de la concurrence. Et oui, il y a de la concurrence. Jessica et sa célèbre phrase. Bah, je l'ai, il se met un peu sur le côté, il me l'a discuté avec Manon. C'est peut-être le moment de mettre les barres sur les points sur les T, quoi. Les barres sur les I et les points sur les T. Bien, pas mal. Je crois que c'est l'inverse. C'est ça, c'est exactement mais ça. La meuf est illettrée, non? Alors elle, c'est Jessica qui marque 1 point. Ah ouais, mais peut-être même 2 d'un coup, là, monsieur. On lui en laisse 1, parce qu'il y a d'autres derrière, écoute bien. Qu'est-ce que je vois? Kevin t'embrasse Fidji. Non mais ouais, c'est la cerise sur le pompon, il manquait plus que ça dans la soirée. La cerise sur le pompon. Mais elle s'y connaît grave en expression. Oui, hein. C'est la cerise sur le pompon. Celle-ci, elle était pas mal non plus, mais c'est pas fini. Angela Merkel, c'est qui? C'est la chandelière. Angela Merkel est la chandelière allemande. Ouais, c'est pratique. Pour s'éclairer, tu l'as vite chez toi. Non, parce que Angela Merkel, Angela même, quand elle est chez elle, elle se met une bougie dans la tête. Hop là. Sa choucroute, sur sa boumoute. Et là, elle se dit, ça y est, je suis la chandelière. Je suis la chandelière allemande. Et alors, on est à combien? 3, 4? Ouais, bon, à peu près, oui. 3 contre 4. J'ai même du mal à compter, On finit avec Jessica, dernière chance pour égaliser avec l'intelligence de Kim. Une battle d'artisans verriers. Verrier, c'est le verre. Et, je sais pas, moi, les verres, j'ai assez de supermarché, j'avais pas que ça se construisait, je sais pas comment on fait. Ah! Voilà! Parce qu'au début, j'ai trouvé intelligente, verrier, c'est le verre, je me dis ça, ah bah tiens, elle a compris un mot. Elle a compris un mot, c'est dingue. Et non, à la fin, ouais. Ouais. Les verres, ça se fabrique. Ouais, ça se fabrique. Non, ça se ramasse pas sur un arbre, oui. Verrier, c'est le verre. Mais je sais pas, moi, les verres, j'ai assez de supermarché, j'avais même pas que ça se construisait, je sais pas comment on fait. Que ça se construisait un verre. Mais non, ça pousse sur un verrier, tu d'ailleurs, vois. Oui, c'est sur un arbre. Tu savais pas que c'était sur un arbre? Ouais, sur le verrier. T'as des verres et puis après tu bois dedans. Ouais, comme ça, tranquille. Bon, on est à 4 partout. Bravo. Ah, on va être obligé de refaire un match un jour. Hein. Bravo, ah ouais. Bravo les deux génies. Les deux génies, Kim et Jessica, de retour dans les Ch'tis, les Marseillais contre le reste du monde. Eh bien, bravo. Maintenant qu'on se sent plus intelligent, parce que quand on les a écoutés, on se sent tout de suite plus intelligent après. C'est vrai, ouais. On va passer aux infos parce que lui, il est très intelligent. Ouais. Il aurait pu être dans les Ch'tis et les Marseillais. Oh oui, n'importe quoi. Oh oui, c'est Rémi. Rémi pour les infos. Merci Julien, bonne journée à toi. Allez, c'est parti, 6h31. J'ai entendu un gros bruit là. Le gros bruit nous signale qu'il est l'heure de faire le point sur l'actu et la largement, météo. Oui. La météo du jour. C'est comment, Rémi, au niveau du ciel? Oh bah il y a du mieux aujourd'hui côté ciel, ça fait plaisir. Des éclaircies pour presque tout le monde. Il fera particulièrement beau dans le sud-ouest et sur le Languedoc. Et quelques averses orageuses attendues sur les Alpes et des averses en Corse. Prudence ce matin aussi parce qu'il y a pas mal de brouillard. Les températures comprises entre 16 et 19 degrés, 22 sur l'arc méditerranéen, de 22 à 24 dans l'après-midi et jusqu'à 26 à Montpellier. Et puis la pollution, ça reste acceptable. Les indices compris entre 3 et 4, 5 sur les Hauts-de-France, à Paris, La Rochelle et à Marseille. Les 21 Pilots arrivent, on les écoute dans un instant. Le son d'Alonso aussi, entre autres. Et avant 7h du matin, et puis vos 1500 euros, surtout préparez-vous, on va peut-être vous appeler. 1500 euros à gagner si vous répondez Skyrock. Je crois même que c'est tombé à 6h30 hier hein, chez Marie. Je crois bien, ouais. Marie Akène-sur-Mer qui a gagné. C'est peut-être votre tour, juste après le point sur l'actu. Doit-on rendre l'école obligatoire de 3 à 18 ans? C'est en tout cas la volonté de Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, veut en faire un des principaux angles pour la présidentielle de l'année prochaine. Jusqu'à maintenant, l'école est obligatoire de 6 à 16 ans. Le gouvernement souhaite éviter les décrochages entre 16 et 18, ce qui permettrait aux élèves de sortir du système scolaire avec un diplôme. Le début officiel de la campagne de la primaire de la droite et du centre. Les candidats sont sur la ligne de départ. Ils seront normalement 8 à être adoubés dans la journée par la haute autorité de la primaire qui a contrôlé tous les parrainages. Nicolas Sarkozy n'a aucune inquiétude à se faire et ne sera même pas à Paris aujourd'hui. L'ancien chef de l'opposition est attendu à Calais où il passera la journée avec les élus et les habitants en plein débat sur les migrants. Il donnera ce soir un meeting près de Lille. Calais justement, on en parle avec les premiers coups de pioche du nouveau mur végétal. La construction a débuté, c'est l'Angleterre qui finance. Il fera 1 km de long, 4 mètres de haut à quelques centaines de mètres de la jungle. L'objectif est d'empêcher l'accès aux voies qui sont régulièrement bloquées la nuit par les migrants qui tentent de rejoindre l'Angleterre via des poids lourds. Le mur devrait être terminé d'ici la fin de l'année. Une journée de commémoration à Toulouse. Cela fait 15 ans jour pour jour qu'une explosion a soufflé l'usine AZF. Le bilan a fait état à l'époque de 31 morts et près de 2500 blessés. Un troisième procès se tiendra le 24 janvier pour déterminer les responsables de l'accident. On va parler football maintenant avec des nouvelles de Lille, de Toulouse, de Dijon et du PSG. Et puis le programme pour ce qui va se passer ce soir. Ouais, l'ouverture de la sixième journée de Ligue 1, c'était hier. Lille a chuté à domicile contre Toulouse. Score final 2-1. Paris, par contre, n'a eu aucun mal à dominer Dijon 3-0 avec un but signé Cavani. Les Parisiens reprennent provisoirement la tête du classement, provisoirement, car Monaco peut encore repasser devant ce soir en cas de victoire contre Nice à 19h. À l'affiche également Angers-Caen, Lyon-Montpellier, Bastia-Nancy, Metz-Bordeaux, Guingamp-Lorient et Nantes-Saint-Etienne. Et puis l'affiche de ce soir à 21h, Rennes contre Marseille. On suivra tout ça dans la Radio Libre. Oui. La Ligue 2 avec les résultats hier de la 8e journée. Reims prend les rênes du classement après une victoire 2-1 sur Clermont Foot. Score nul et vierge 0-0 entre Amiens-Valenciennes et Niort-Gazélec. Un but partout entre Laval-Sochaux et le Havre-Brest. Nîmes 3 se neutralise 2 buts partout. Ajaccio a dominé Auxerre 2-0. Défaite d'Orléans 4-2 contre Lens. Alors que Bourg-en-Bresse s'impose 2-0 contre Tours. Merci Rémi pour les infos. La suite tout à l'heure, dans moins d'une demi-heure. À 7h, il est 6h34 sur Skyrock. Check, check. Dès 6h. C'est que le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est des conneries à la radio. C'est le morning de Default sur Skyrock. Eh oui, mais non, c'est pas des conneries à la radio, qu'est-ce que je dis, moi. C'est 1500 euros qu'on va vous offrir maintenant. 1500 euros à gagner. Et là, c'est du sérieux. Eh oui, c'est du sérieux. On va ouvrir la première enveloppe de cette journée. 1500 euros. Si vous répondez Skyrock, dès qu'on vous appelle, vous répondez Skyrock, c'est 1500 euros dans la poche. C'est facile. Skyrock vous offre 1500 euros. Une minute, une minute. Skyrock. Toutes les 30 minutes pour vous. Je vais le dire en anglais, mais c'est pas venu, donc j'ai fini en français. 1, 2, 3. 1, 2, 3, vive la Ligue. Non, mais c'est pas grave, je pense que tout le monde nous comprend. Oui, d'accord, là j'ai le cerveau qui décode. Et puis nos amis anglais n'ont qu'à faire des efforts. Yes. Bon, qu'est-ce qu'on va écouter tout de suite? Les 21 Pilots, j'avais promis. Ah, les conseils pas chers. Est-ce qu'il y a un truc. C'est un truc santé qu'on fait ce matin, Romano? Ouais, c'est ça, parce que la poussière de nos maisons. Oui. Est très dangereuse pour notre santé. Est-ce qu'il y a un endroit chez vous où il y a toujours de la poussière? Chez moi, aucun. Non, genre. Ah non, je t'assure, tu peux venir chez moi, je t'invite tout à l'heure, Cariole, à 9h15. Ouais. Non, mais elle peut pas. Romano, si, elle va pouvoir. Romano, il rentre tout seul à la maison, tranquille, il s'occupera du chien. Ça te fera des vacances. Hein. Ouais. Et ça te fera des vacances en plus. Déjà. Oui. Et je te montrerai, pas de poussière chez moi. 0000. Même sur les plaintes derrière la table. Même sur les plaintes derrière la table, il n'y a pas un pet de poussière. Ah, bah moi, il n'y en a pas non plus, parce que les plaintes, je les aspire continuellement. Ouais, toi aussi, t'es baniaque. Ouais, si dans la salle de bain, il y a plein de cheveux de Cariole, et ça va pas être les miens. Ah oui, ça, c'est sûr. On connaît la coupable. Non, il y en a plein. C'est où toi ou le chien? bien, Carriole. Oh. Ça peut pas être Romano. Il y en a hier, pas je rentre dans la salle de bain, j'ai l'impression que Carriole avait posé de la moquette tellement il y a non, mais ça, c'est les poils qui sont tombés. Bah ouais, il y a trop de poils. Elle s'est épilée, je crois. Oh. Ouais, c'est ça, elle en avait beaucoup. Beaucoup. Bon, oui. Hein? On aime bien. Allez, un endroit chez vous, il y a tout le temps de la poussière, vous nous dites. Et puis Romano, tu vas nous en reparler dans un instant. Et on parle santé ce matin, parce qu'on sait aussi être sérieux dans le morning. Santé, conseil pas cher, de l'argent à prendre chez les familles. Il y a le sondage du jour aussi, dont je vous ai pas parlé. Le sondage du jour, c'est les relous dans les transports aujourd'hui. Ah. Un petit coucou à ceux qui nous écoutent déjà dans les transports, ceux qui y bossent et ceux qui nous écouteront ce matin, on pense déjà à vous. Et ce sera avant 7h du matin, les relous dans les transports. Mais tout de suite, 1500 euros à gagner sur Skyrock dans le morning. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Oui, c'est parti. 1500 euros à gagner. Il y a Nick Taz qui nous dit que lui, il a de la poussière sur ses meubles bleu noir laqué. Ah, ça, c'est des attrapes poussière. Et ben, c'est ce qu'il dit, ça revient tout le temps. Nick la poussière. Non, mais c'est vrai, mais t'aurais pas dû prendre en noir. Parce que, ouais, pareil, nous, on a eu des meubles noirs, c'est une vraie galère. Mais le blanc, il y en a autant, mais en fait, ça se voit moins. Ben, moi, j'ai des meubles noirs et je n'ai pas une poussière de poussière. Ouais. Bah, je sais pas, tu vis en combinaison, quoi. Exactement, je vis en combinaison pour rien saler. Clair. Je suis complètement maniaque. Bon, on va retrouver qui maintenant? Un Parisien, tiens, c'est un Parisien qu'on va réveiller ce matin. On l'a tiré au sort. Il s'appelle Homer. Homer Nylon. Alors, quel est le prénom? Je crois que c'est Nylon. Ilon et la famille Homer. Allez, c'est parti. On appelle en direct, on va lui demander quelle est sa radio préférée. S'il répond Skyrock, vous connaissez le principe. Il gagne 1500 euros. C'est parti pour 5 sonneries maximum. Le suspense est à son comble. Je rappelle qu'hier matin, ça tombait à cette heure-ci. Ouais. Et attention. Bonjour. Hello. Hello. Hello. Yeah. How are you? C'est Stéphane? Yeah. No, it's not Stéphane. Je crois que tu peux parler en français. Tu es Madame Homer. Attendez, vous avez un problème là. Qu'est-ce que vous voulez là? Oula, une caïra, dis donc, là, Madame Homer. On veut vous offrir de l'argent, Madame Homer. On a 1500 euros à vous offrir. Mais attendez, oui. Vous appelez des gens à 6h30, moi, je sais pas, moi, vous avez un problème, là. Eh bien, écoutez, ça nous arrive tous les matins. Vous croyez que c'est un problème psychologique, c'est un problème grave, c'est quoi? Madame Homer. Qui êtes-vous? La radio, Madame Homer. Comment? Ouais, la radio. La radio. Quelle radio? Ah ben oui, Skyrock. Soit là, du coup, là, le jeu est foutu en l'air. On t'appelait pour t'offrir 1500 euros. Mais comme tu comprends pas, bah, je t'ai donné la réponse. Ah, la prochaine fois, on rappellera plus tard. Voilà. Parce que là, il est peut-être un peu tôt pour la dame. On rappellera à 7h. Ah, la prochaine fois, on t'appelle à 7h. Mais pourquoi vous tutoyez des gens? Parce que ça, t'es sympa. Parce que t'es sympa. Ah là là, fais pas chier. T'es sympa comme tout. Ah, c'est vrai, au bout d'un moment. On voulait t'offrir 1500 euros, ma chérie. Bon, la prochaine fois, tu réponds Skyrock, tu gagnes. Voilà. Voilà. C'est juste, t'as juste ça à retenir et là, tu peux aller te coucher. Je suis pas persuadé que la prochaine fois, ça soit pareil. Merci, Madame Homer. Au revoir, Madame Homer. Hein. Bonne journée. Voilà. Eh ben voilà, vous voyez, j'ai réussi à lui expliquer. Ah, hey, oui. C'était pas facile, dites donc. Hein. Surtout à 6h38. Bon, on recommence dans une demi-heure. Hein. 1500 euros à gagner. Après Paris, où est-ce qu'on va aller? Peut-être chez vous. Restez bien dans le coin. Le temps d'écouter les 21 Pilots, c'est les conseils pas chers arrivent. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling. So taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time. time on my ride. Time on my ride. Les 21 Pilots, c'était Ride à 6h42. Et à 6h42, on parlait poussière ce matin pour gagner de l'argent, bien sûr, et pour la santé aussi. Ah. Et oui, la santé. La santé est mise à mal par la poussière. Ah bah voilà, j'ai bien raison de pas en avoir. Les chercheurs de la faculté de santé publique. Putain, le nom du truc. Les chercheurs de la faculté de santé publique. De l'université de George Washington aux États-Unis. Oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien écoute, ma chérie, je suis chercheur de la faculté de santé publique de l'université. Et là, la meuf s'est déjà barrée. Ouais, c'est ça, ouais, George Washington. Ouais. Et donc, ils ont fait des études. Et la poussière, bon, c'est des résidus souvent de produits chimiques. Et de peau aussi. Et de peau. Ouais. Et du coup, de respirer ça, c'est pas bon pour la santé, ça peut engranger des sérieux problèmes de santé. Eh ben, vous avez vu Cédric, ça fait quoi, une semaine et demie, pratiquement 15 jours qu'il est pas là. Je crois que c'est, ça joue, parce que je suis allé chez lui samedi. D'ailleurs, on retrouvera Cédric dans le morning, je vous le dis, avant 8h du matin, c'est promis. Une véritable porcherie, ça. Ah, j'ai jamais vu un truc pareil, Romano. Ah, ah non, mais moi, je te l'avais prévenu. Hein. Tu parlais de poussière, tu sais, il y a des... Des comme moutons, dans, là. C'est ça, des moutons. Des espèces de boules de poussière. De partout, tu ouvres une porte, tu as des boules qui volent. Cédric, il les gobe. Oh, il est gobe. Oh là, c'est trop bon. Oh, j'ai attrapé une boule de poussière, j'ai l'impression que c'était une barbe à papa. Non, Cédric, c'est dangereux. Il se fait des barbes à papa de poussière, Cédric. Donc la poussière, c'est dangereux. C'est dangereux. Eh bien, ce matin, halte à la poussière. Oui. Stop à toutes ces cochonneries. T'es femme de ménage. J'arrive, je vais faire le ménage. Allez, c'est parti. Les gens, je vais leur dire que c'est des sales. En général, ça en fait toujours plaisir. Ouais, j'aime bien ça aussi. Allez, à 6h43, on appelle les familles. C'est parti pour les conseils pas chers. Good morning, show. Romano est prêt à n'importe quoi pour gagner de l'argent. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Oui. Bonjour. Bonjour à tous. Ah, pardon, excusez-moi. On va chez qui? Jean-Paul. C'est brave Jean-Paul, une vraie porcherie sa baraque. Hein. C'est vrai. Oh là là. Il faut lui dire, il faut aller nettoyer Romano, t'y vas. Hein. Imagine que sa femme fait la grève. Ouais. Allô, Jean-Paul. Jean-Paul. Oui. Oui, bonjour Jean-Paul, comment vas-tu? Excusez-moi. Vous pourriez vous présenter? Ah oui, je me présente, monsieur Lapince à l'appareil. Je vais t'appeler concernant l'hygiène de ton domicile. Ta femme fait la grève, non? Jean-Paul. Écoutez, monsieur. Oui. Vous pourriez me donner vos références. Alors, références. Votre numéro de téléphone, parce que vous avez un appel masqué. Ah, je suis masqué. Sinon, oui. Ben, je le recroche. Alors, il s'appelle Zorro. Je suis le justicier. Masqué. Il a eu peur. Moi, oui. Je sais les impressionner. Jean-Paul, ça, il s'en est parmi. Oui, c'était Jean-Paul. Alors, vas-y, on va en prendre un autre. Pascal. C'est Pascal. C'est dommage parce que c'était vraiment dégueulasse d'après ce que tu m'avais dit chez Jean-Paul. Ah, une vraie porcherie. Ouais. C'est la chambre de ma sœur où il y a de la poussière partout. Elle est trop sale. Quand on dit que les filles sont plus propres que les garçons, faux. C'est pas vrai. Grégory qui nous envoie un message. Greg, non, ça, c'est vrai. Hein. Greg, 19 ans. La chambre de sa sœur, il nous a dit elle était dégueulasse, là. Moi, je suis comme toi, dit Foul. Je ne supporte pas la poussière. Allô? Allô? Ouais. Bonjour. Pascal. C'est Pascal? Oui, alors. Ouais, comment tu vas? Comment ça vous tutoyez? Bah écoute, je fais ce que je veux, ça va, tranquille, détends-toi du cul, hein. T'emmerdes, connard. Je te sentais tendu. Exact, je t'ai pas trompé. Rappelle-leur, c'est juste le numéro de Pascal. Attends, faut quand même que je... Allez, Pascal! Allez, parti. Vas-y, rappelez-eux, il faut quand même que je lui annonce que sa maison est dégueulasse, sans prime de tout. Je pense que lui, en plus, il est prêt à accueillir toutes les critiques. Non, bah attends. Sans s'énerver, sans aucun problème. Avec pétude durée, parce que tu le tutoies, quoi. C'était Pascal. Ça, il est extrêmement choqué, Pascal. Moi, ça, je comprends pas. Les gens, tu leur proposes de nettoyer chez eux, c'est bon pour leur santé parce que c'est des sales. Vas-y, on appelle-en un autre en parallèle, on sait jamais. Et les gens, ils sont pas contents. Tout de suite, ils s'énervent. C'est dingue, ça. Tout de suite, les gens s'énervent. Moi, je ne comprends pas. Tu veux rendre service pour un peu d'argent, je sais pas, 100 euros de l'heure. Ah, petit truc. Ah, cher. Ouais, minimum. Bon, Pascal, je suis désolé, mais il veut plus te ouais, parler. Ouais, Pascal, il est en train de péter un câble chez lui. Allô? Didier. Allô? Oui, bonjour, c'est la femme à Didier? Oui. Oui, bonjour, comment vous allez? Mais c'est qui? C'est Monsieur Lapin, c'est l'appareil. J'appelle de la part de Didier, concernant le ménage à l'intérieur de la maison. Alors, ma chérie, t'es en grève? Alors? Parce que j'ai regardé par les fenêtres, mais c'est dégueulasse chez vous, hein. Il est en panne, l'aspirateur. Mais c'est qui? Ah, ben, c'est Monsieur Lapince. Je travaille pour une université de santé publique de la faculté de New York, Los Angeles. George Washington. Washington. Et j'ai regardé par vos fenêtres et j'ai trouvé que c'était sale chez vous. Tu fais pas le ménage? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben faire le ménage, c'est par exemple passer le balai, nettoyer les vitres. Mais c'est qui? Non mais ça suffit la plaisanterie là, mais vous êtes qui? Ah ben c'est pas une plaisanterie, moi j'appelle de la part de ton mari, tu sais qu'il est extrêmement choqué de vivre dans une telle saleté. Alors ce matin, pour te rendre service, je vais mieux faire le ménage. Ça va être 200 euros. Il est là ton mari? Tiens, passe-le-moi, je vais voir avec lui. 200 euros les deux heures, hein. Ah non, l'heure. Ah, tu fais l'heure? Ah, ouais. Oh. Ah, c'est dégueulasse, ça, chez eux. Ah, d'accord, ok. Donc, tu peux me passer ton mari, s'il te plaît? Vas-y. Ah, le mari. Comment il s'appelle déjà? Didier. Ah, Didier. Didier. Ouais. Bon prénom. La femme à Didier, tu l'as choquée, hein. En lui disant que c'était dégueulasse chez elle. J'ai trois fois qu'il appelle. Ah, j'ai trois fois. Trois fois qu'il appelle. Ah, non, puis c'est bien, elle n'exagère pas du tout. La première fois. Allô? Y a quelqu'un? On attend Didier. Didier! Mais Didier essaye de se faire un chemin parmi la poussière, les moutons qui sont partout. T'es en train de causer. Didier! C'est qui les bandes de cons? Hop, Didier, on se calme. Je suis quand même un scientifique de la faculté de santé publique de Washington. T'as l'air plutôt d'un connard, ouais. J'explique à ta femme, j'ai regardé par vos fenêtres, dis donc le ménage, c'est en option chez vous, a priori. T'es dans le coin? Ouais, parce que je voulais venir faire le ménage. Tu peux venir me voir, là, 5 minutes? Ah. J'espère que t'es moins dégueulasse que ta baraque, hein, sinon moi je vais être obligé de te laver, hein. Et le prix sera... Viens voir, moi je vais te laver un petit peu, viens voir. Ah, on se lavera tous les deux. Ouais, viens. Et pendant ce temps-là, t'as le courage de venir? Ah bah je vais venir, parce qu'une porcherie pareille, je mets une combinaison avant de rentrer. Hein. Dépêche-toi, t'es là pour combien de temps? Ah bah, à venir ou à faire le ménage? À faire le ménage, il y a bien pour 2-3 heures, un machin pareil. Non, mais à venir, pour venir tout de suite, tu vas mettre combien de temps? Là, je peux être là dans 5-10 minutes maxi, là. D'accord, je t'attends. Ouais, tu m'attends. En attendant, vous pouvez en attendant essayer de débarrasser un peu l'entrée, que je puisse passer quand même. Oui, puis aérer un peu. Parce que... Bah, je vais te débarrasser, toi, déjà, quand t'arrives. Parce que. Tu verras comment ça fait. L'autre fois, je suis passé, les fenêtres étaient ouvertes, ça pue le bouc là-dedans. Oh, ouais. Bon, j'arrive, Didier, de toute façon. D'accord. On va régler ça, et puis prépare les 200 balles aussi. Tu vas voir ce que je vais te préparer. Viens, amène-toi. Un petit déjeuner, j'espère. Je pense que c'est un pourboire en plus. Ouais. Bien sûr. Donne un petit complément pour le service. Amène-toi, je te dis. Ben, j'arrive, Didier. Sois pas pressé. Hein. Écoute, t'as vécu jusqu'à maintenant dans la porcherie. Tu peux attendre une demi-heure de plus. Oui. Tu peux bien attendre 5-10 minutes. À tout de suite, mon chéri. Salut, Didier. Bisous. Et ben voilà, voilà, bravo, enfin, bravo. Remercie la femme à Didier. Remercie Didier. Non, mais je suis content parce qu'il était content. Et tu fais une bonne action pour les familles. Ah ouais, c'est bien. Non, je n'ai pas un Dyson intégré dans mon nez, Ronnie Corleone. Il me dit, c'est tout propre chez toi, c'est normal. Et la Marocaine qui répond au message de tout à l'heure de Grégory. Non, les filles, c'est super propre par rapport aux mecs. Non, ouais. Faux. C'est la guerre des sexes, là, ça y est, c'est parti. Ouais, c'est parti. On adore. Allez, dans un instant, le sondage du morning. Sondage du morning, les relous dans les transports. Ouais. Vous en connaissez? Tiens, racontez-nous si vous avez rencontré récemment des relous dans les transports. Vos messages au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Et dans moins d'une minute, l'horoscope de l'amour, l'horoscope de ce mercredi sur Skyrock. Tout l'été, Géant Casino t'a fait vibrer au rythme du Brésil en mode barbecue fiesta. Aujourd'hui, Géant Casino félicite Nicolas, Géraldine, Emmanuel et Pauline pour avoir gagné le concours du plus beau barbecue de l'été. Leur récompense, 8 jours de fiesta au Brésil, tout frais payé. Merci Géant Casino. Nouveau message, urgent, de Bouygues Télécom. Bah je t'écoute. En ce moment, le forfait 4GB New 20GB est à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Waouh, 9,99€ ? Oui. Mais c'est seulement jusqu'au 26 septembre. Tic, tac, tic, tac. Jusqu'au 26 septembre, profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20 gigas à seulement 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€. En exclusivité sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Et à 6h50, l'horoscope, c'est parti. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Avec vos puissances amoureuses sur une échelle de 0 à 5, 0 sur 5. C'est pour les taureaux et les gémeaux aujourd'hui. Vous serez très têtu aujourd'hui. Essayez quand même de respecter l'opinion des autres. Ça évitera des embrouilles, vous verrez. 1 sur 5, les sagittaires et les poissons. Attention aux excès de boissons, aux excès de nourriture, aux excès en tout genre. Si vous voulez continuer de plaire, Cariole, hein, excès de boissons, tu as bien noté. Hein. Oui, oui, attention. Les capricornes et les lions, on a deux. Une expérience du passé vous fera éviter une erreur sur le plan sentimental aujourd'hui. 3 sur 5, les vierges et les cancers, vous aurez le cœur sur la main. Les autres vous en seront reconnaissants. Bonne manière pour faire plaisir à votre chérie ou pour séduire, on sait jamais. 4 sur 5, les scorpions et les béliers, vous jouerez la provocation aujourd'hui. Eh ben ça va marcher, bien, si vous voulez séduire. Et 5 sur 5, eh ben les balances et les versos, c'est vous les meilleurs aujourd'hui. Et ouais, jour de clash, Romano, tu as 5 sur 5. C'est parfait. Magnifique, on verra ce soir. En tout cas, pour les célibataires, balance et verso, vous aurez un petit truc en plus qui ne laissera personne indifférent. Et pour les couples, vous serez en forme pour tester plein de nouvelles expériences amoureuses. Ça va être beau, ça. Les balance et les versos, vous avez 5 sur 5. Merci. C'est bien. Et dans un instant, on file dans les transports. Les relous dans les transports, le sondage du morning, il arrive. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Oh, et ça c'est Major Lazer sur Sky. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. To different places, I will still be patient with you, and I hope you know I won't let go. Sometimes, you know, it's how we learn and how we grow. And I wanna lay with you till I'm old. Oh, you shouldn't be fighting on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. To different places, I will still be patient with you, and I hope you know I won't let go. Il était en concert hier soir à Paris d'ailleurs, Justin Bieber et les Major Lazer qu'on vient de retrouver sur Skyrock avec Cold Water. Il y a Alonso qui arrive juste après le sondage du morning. On va parler des relous dans les transports. On a demandé aux Français, c'était qui les plus relous dans les transports? Quel type de personnes sont les plus relous dans les transports? Eh bien, vous en avez rencontré plein. Je salue d'ailleurs Johanna qui a rencontré un pervers et qui rencontre d'ailleurs un pervers tous les soirs dans les transports. Le mec a toujours une main dans la poche. Absolument, oui. On pense qu'il se caresse en nous regardant. Oh. À toi et tes copines. Absolument, oui. Absolument, oui. J'ai la main dans la poche. J'ai fait un trou dans la poche, d'ailleurs. Ah, ouais, c'est bon, ça. Ouais, des gens qui font ça, ils sont capables. Hein. Alors, le sondage du jour, les relous dans les transports. Vous en connaissez? Vous en avez déjà vu? Ouais, oui, les gens qui tuent, ouais, qui vomissent. Ou... Eh bien, je vais vous donner le classement, le top 3 pour les Français. Qui sont les relous dans les transports? Le sondage du morning de Default sur Skyrock. Alors, sondage du morning, allez. Numéro 3, le passager qui reste assis tout le temps, alors qu'il y a plein de gens. Le mec, il est capable de se foutre sur les, se foutre sur le strapontin, de te monter sur les genoux. Le mec un peu trop envahissant. Ouais. Moi, j'ai pas de cachet que ça, je le fais un peu. Eh ben, tu es un relou, Romano, pour 66% des Français. Non, mais des fois, quand t'es assis, ça casse les couilles de te lever, tu vois. Tu vois une mamie, tu te lèves. Ah non, mais c'est genre, si le wagon, il est blindé, que, tu vois, des fois, je reste quand même assis, moi. Tout le temps. Mais tu es tout petit. Ah, ça fait chier de se lever, quoi. Tu tiens de la place. Tu sais que tu vas faire un long trajet, et tu te dis, ouais, bon, bah, vas-y, hein, t'es debout, reste Par respect, au moins, pour les autres. Hein. Les relous dans les transports, on passe au numéro. Ah, ça va, je manque pas de respect. Les mecs, je leur crache pas la gueule, je suis assis, ils vont pas me faire chier. Il y a numéro 2, celui qui vous crache. Non, c'est pas ça. Ah. Numéro 2. Le relou dans les transports. Le passager qui parle trop fort au téléphone. C'est vrai que ça, c'est vrai. Ouais. T'as l'impression d'assister à sa vie, mais t'en as rien à foutre. T'as envie de lui dire, mais ta gueule. Mais moi, ça m'est arrivé. De dire ta gueule, moi aussi. Non, j'étais au téléphone avec Romano, je parlais super fort. Il y a une dame à côté de moi qui lisait. Oui. Et je l'embêtais, donc, et elle s'est mise à lire son livre à haute voix. Ah, l'autre, elle était bien aussi, tiens. Elle était bien, mais c'est vrai que je l'ai Non, mais moi, en plus, j'étais en ligne à l'autre bout, et à un moment donné, j'entends une bonne femme. Oui, Charlemagne nous a dit. Et je suis fait un carré, mais c'est qui cette tarée? Elle me fait, non, mais c'est la folle. Elle supporte plus que je suis au téléphone. Donc maintenant elle lit son livre à haute voix. Et les autres gens, en fait, elle s'est fait engueuler la meuf par les autres gens, du coup. Oui, ta gueule avec ton livre de merde, on s'en fout. Donc les gens qui font du bruit dans les transports, et notamment ceux qui parlent trop fort au téléphone, à 76%. Numéro 1. Et numéro 1, voici le passager qui pue qui arrive. Ah ouais, ça c'est terrible, t'es à côté. Vous avez laissé plein de messages sur les gens qui puent. Et ouais, surtout le matin, parce que moi le matin je suis fragile. Le passager qui pue, pour 98% des Français. Il y en a deux qui n'ont pas de nez. Ouais, c'est ça. 2% n'ont pas de nez, mais alors 98% des Français, le pire, c'est le passager qui pue. On va vous souhaiter un bon petit séjour dans les transports. Ouais. On vous aura prévenu au moins pour ce matin dans le morning. Voilà, l'idéal c'est de tomber sur un mec qui pue, qui parle trop fort et qui ne se lève pas quand les gens arrivent. Voilà. Et là, les mecs, les trois, on a. Et là, vous avez la totale. Ah ouais, bien ce matin. Faut, ouais. Bonne journée, bon réveil et bonne chance pour les 1500 €. 1500 € à gagner toutes les demi-heures, c'est dans le morning et seulement sur Skyrock tous les matins. Vous répondez Skyrock dans un instant, on vous offre de l'argent. Dans une minute, on trouve Alonso qui arrive. C'est Binta, super morceau découvert sur Skyrock. Allez, et on a un super réveil de star et un truc à vous annoncer dans 5 minutes. Planet Rap. Ils ont cartonné dans la nocturne de Planet Rap tous les vendredis soirs à partir de minuit. Ils reviennent tous les soirs de cette semaine à 20h sur Skyrock. Viens découvrir Panama Bendy, les 7 rappeurs parisiens au micro de Planet Rap. Planet Rap Panama Bendy, 20h-21h, en direct avec Fred sur Skyrock et en vidéo live sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. J'arrive chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ et là, un groupe d'hommes habillés en noir m'attrape et me jette dans un taxi. On arrive dans un amphi où plein de profs à lunettes m'attendent pour que je réponde à une question genre « Quel est le sens de la vie ?» Non, et alors? Bah, tu sais bien que je suis nulle en orientation. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, bougez plus. Et attention sur Skyrock, voici venir Alonso, direction Marseille, tout de suite, Binta. 6h-9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, sous bout. On appelle de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les ans sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scores. Comme à Seyapana, on lui veut la pendaison comme ça. est, ça y est, elle est là. Ses formes animales te donnent la dalle. Toi comme un chasseur, tu voudrais la battre. Ma, ma, elle va te dépouiller, ça y est, elle est là. Skyrock, le son d'Alonso, il est 7h01, on va retrouver les infos de Rémi dans un instant, 1 500 € à gagner. Et attention ce matin, je vous l'annonce dès maintenant, une matinée consacrée à l'intelligence. Vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes là depuis 6h. On a retrouvé Kim et Jessica, des Marseillais, des ch'tis contre le reste du monde. Ouais, très très intelligent. Très intelligent. On retrouvera Jean-Claude Van Damme aussi dans un instant pour le réveil de Star. C'est un garçon qui est, je crois, oui, très intelligent. En effet, Jean-Claude, tu es très très très très très intelligent. Je suis vraiment un mec qui est tout à fait pas spécial, tout à fait normal. Non, tu n'es pas normal. Pas tout à fait, mais... Non, tu es beaucoup plus intelligent que la moyenne. Et Jean-Claude Van Damme, lui, s'occupera des Français ce matin. C'est lui qui va réveiller la France, le réveil de Star, à 7h10. Et à 7h20, faut que je vous annonce un truc. Mais attendez la fin des infos et je vous dirai tout. 7h20, il y aura votre iPhone 7 à gagner. Ouais. Mais pas que. Restez bien dans le coin, le temps de faire le point sur l'actu. Avec toi, Rémi, on va démarrer par la météo pour aujourd'hui. Eh ben météo à 7h02 pour ce mercredi. Eh ben, c'est comment? Eh ben, c'est carrément mieux aujourd'hui. Ah. Bah ouais, des éclaircies pour presque tout le monde. Il va faire vraiment beau, hein, si vous êtes dans le sud-ouest, sur le Languedoc aussi. Quelques averses orageuses, par contre, attendues sur les Alpes. Et des averses encore, c'est plus prudent ce matin, puisqu'il y a pas mal de brouillard. Les températures comprises entre 16 et 19 degrés, 22 sur l'arc méditerranéen, de 22 à 24 dans l'après-midi et jusqu'à 26 à Montpellier. Et puis la pollution, ça reste acceptable. Les indices compris entre 3 et 4, 5 sur les Hauts-de-France, à Paris, La Rochelle et Marseille. Et 2 minutes pour faire le tour de l'actu, c'est maintenant, c'est sur Skyrock. Les 3 ados en garde à vue après la fausse alerte de prise d'otage à Paris. Ils sont âgés de 14 et 17 ans et ont été interpellés en Vendée et en Lozère, à des distances géographiques éloignées qui démontrent qu'ils ne se sont sûrement jamais rencontrés, mais qu'ils ont agi via Internet. Le lien avec la fausse alerte n'est pas établi pour l'un des 3 jeunes arrêtés. Les 2 autres vont être entendus au 36 quai des Orfèvres à Paris par les policiers de la section antiterroriste. C'est la polémique qui monte aux États-Unis. Le terroriste présumé qui a fait exploser une bombe samedi soir à New York était connu du FBI. La police fédérale s'est penchée sur son cas en 2004 mais n'a trouvé aucun lien avec le terrorisme. Le père de l'individu a recontacté les fédéraux il y a 2 ans pour dénoncer la radicalisation de son fils. Il explique dans le New York Times qu'on lui a dit à l'époque qu'il n'y avait aucun risque. Le coup de gueule de François Hollande à la tribune des Nations Unies à New York. Le président a clairement pointé du doigt le régime syrien qu'il juge responsable de l'échec du cessez-le-feu. Il estime que la tragédie syrienne sera une honte devant l'histoire pour la communauté internationale. La France a 4 exigences. Imposer un cessez-le-feu, assurer l'acheminement de l'aide humanitaire, permettre la reprise des négociations et sanctionner le recours aux armes chimiques. Pendant ce temps-là, Washington et Moscou se rejettent la faute après la mort de plusieurs humanitaires. La fin d'une histoire d'amour qui aura duré 12 ans. Déluge de réactions sur les réseaux sociaux à l'annonce du divorce entre Angelina Jolie et Brad Pitt. Oh. Ah oui, ah oui. Oh. Pas d'histoire de tromperie à première vue. Angelina Jolie a peur pour l'éducation de ses enfants à cause de la consommation de drogue et d'alcool de son futur ex-mari. Ils ont adopté 6 enfants ensemble et s'étaient rencontrés en 2004 sur le plateau de Mr. and Mrs. Smith. Et on va parler foot maintenant avec les résultats du début de la 6e journée de Ligue 1 hier avec le PSG, Dijon, Lille et Toulouse. Et Lille justement qui a chuté contre Toulouse. Score final 2-1. Paris n'a eu aucun mal à dominer Dijon 3-0 avec un but signé Cavani. Les Parisiens prennent provisoirement la tête du classement. Monaco peut repasser devant ce soir en cas de victoire contre Nice à 19h. À l'affiche également Angers-Caen, Lyon-Montpellier, Bastia-Nancy, Metz-Bordeaux, Guingamp-Lorient et Nantes-Saint-Etienne. Et puis on suivra ensemble dans la radio libre dès 21h la rencontre entre Rennes et Marseille. Oui. Quelques résultats à l'étranger ont joué hier pour le compte de la League Cup en Angleterre. Chelsea a dominé Leicester 4-2. Large victoire d'Arsenal 4-0 contre Nottingham Forest en Allemagne. Le Borussia Dortmund n'a fait qu'une bouchée de Wolfsburg 5-1. Enfin en Italie, l'AC Milan revient à la hauteur de la Juve au classement après sa victoire 2-0 contre la Lazio. Merci Rémi pour les infos. On t'en trouve dans une demi-heure. Il est 7h05 pile sur Sky. Hi, this is Rihanna. MSD dans le morning de D-Fool. Hey, what's up? This is 50 Cent. You're now listening to my homeboy, The Fool. Hey, this is Justin Timberlake. Bienvenue dans le morning de D-Fool. The morning show! 6h09 sur Skyrock. Ils sont aussi dans le morning de D-Fool. Ouais. C'est nous. Et c'est Romano qui arrive. Ouais. Moins d'une demi-heure. Bonjour. Romano, tu auras une grosse surprise, toi aussi. Ah, magnifique. Ouais, tiens, j'ai entendu Rihanna dans le jingle. On va l'écouter dans un instant. Rihanna. On écoutera Eminem aussi, tiens. C'est bien, c'est, oui, vrai, c'est bien, un grand souvenir d'Eminem. Du Drake à écouter avant 7h30. Et puis à 7h20, alors vous savez, on a pris l'habitude. J'avais pas parlé, moi, ce matin. Je prends un café, tiens. On a pris l'habitude de faire l'invité à l'info ou mytho à 7h20. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, changement de programme exceptionnellement pour ce morning. À 7h20, nous jouerons à l'invité mystère. Oui. Car on a un énorme invité mystère à découvrir ce matin. Ah, un machin. Et en plus. En plus de l'énorme invité mystère à découvrir, on a le magnifique iPhone 7 à vous filer. Ouais, tout nouveau, tout beau. Vous gagnez l'iPhone 7 avec l'invité mystère à découvrir à 7h20. Je vous le conseille, celui-ci, il est à pas louper. Avant ça, on va retrouver donc Jean-Claude Van Damme qui va réveiller les familles de France. Il est magnifique, ce Jean-Claude. Vous savez que je l'aime bien, je t'aime bien, Jean-Claude. Ok, I love you. Ah, tu m'aimes toi aussi, Jean-Claude Van Damme. Je suis Jean-Claude Van Damme. Oui. JCVD, Jean-Claude Van Damme. C'est ça. Il réveille les familles. La rencontre, eh bien, c'est dans un instant. Mais avant ça, vos 1 500 € à gagner. Comme toutes les demi-heures, on vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée. Si Skyrock. Bah voilà, si vous répondez Skyrock, c'est bon. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non. C'est Skyrock. 1 500 € dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Eh bien, maintenant, Romano ouvre l'enveloppe des 1 500 €. Il y a 1 500 € à gagner pour vous. Et Info Mytho, on le fera à 8h20. Je dis ça pour ceux qui sont fans d'Info Mytho, mais j'aime bien aussi. Alors, attention. Mais l'invité mystère, vous allez voir, c'est super, ça. Ah, nous allons dans le 31 du côté de Toulouse. 31 ma couille. Ouais, 31 ma couille. Ouais, 31 ma couille à Toulouse. Et c'est Bastien Couder. Bastien Couder. C'est bien, nom du sud-ouest, Couder. Ouais, on arrive. Il y avait un vieux commentateur rugbystique qui s'appelait Couder. Quand j'étais petit, je me rappelle, il criait tout le temps pendant les matchs. Il était d'une mauvaise foi totale. Sur noir et blanc, non? Non, Romano, j'étais pas né quand j'étais en noir et blanc. Ah, je sais pas, ça me dit rien, non. Ah, non, mais... là, c'est Bastien Couder. Allez, Bastien Couder, faut vite répondre chez les Couder. Troisième, quatrième sonnerie. Oula, Bastien Couder, vite, vite, vite. Allez, Bastien. Allez, Bastien. Allez, Bastien. Bastien. Allez, Bastien. Allez, allô. Allô. Bonjour. Oh, non. Vous êtes sur la messagerie orange de... Oh, désolé pour Bastien. Bastien Couder, qui ne gagnera malheureusement pas les 1 500 € ce matin. Bon, on recommence tout à l'heure à 7h30. Rassurez-vous, il y en aura pour vous des chèques, hein. 1 500 € à gagner. D'ailleurs, vous pouvez augmenter vos chances de gagner si vous voulez. Vous allez, Sur le 7-20-20? Ouais, vous envoyez 1 500. Ouais. Tout simplement, 1 500 au 7-20-20. Et peut-être qu'on vous appellera, vous répondrez Skyrock et vous gagnerez 1 500 €. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait... Ah, j'y crois même pas, là. J'y crois même pas, putain. Réveil. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her. But she's looking at you. je suis Jean-Claude Van Damme. Ouais, Jean-Claude. Et là, c'était Rihanna, Rihanna avec This Is What You Came For. On prépare Eminem. C'est qui nous demandait The Real Slim Shady? On va le mettre, tiens. C'est Razor. Ah, Razor, merci ton message. Razor, 15 ans, Haute-Garonne, avant 8h. Oui, c'est possible. C'est juste après le réveil de Stars, donc c'est dans 2 minutes. Hein. Ouais. Eminem arrive sur Skyrock. Un invité mystère exceptionnel à 7h20 tout à l'heure. Ne le loupez pas, l'invité mystère. Et en plus, vous pourrez gagner votre iPhone 7. Il sera pour vous. Jean-Claude Van Damme. Mais oui, Jean-Claude, ce bon Jean-Claude, il est là avec nous. Bonjour. Salut Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Je suis de la Belgique, je viens de la ferme. Tu viens de la ferme, Jean-Claude. Voilà, c'est bien. Parfois, il ferait bien de la fermer, Jean-Claude, ouais, parce qu'il y a plein de conneries. Mais moi, c'est ce que je préfère. Je l'adore, Jean-Claude Van Damme. Il me fait rire. Tu as des protéines? Non, je n'ai pas de protéines. On a du café, on a du coca. J'ai du mogu mogu au litchi ce matin. J'adore le mogu mogu. Vous aimez pas le mogu mogu? Non, pas trop. Non. Tu veux du mogu mogu? Ok. I love you. Ouais, très bien. Okay. Le mec a cru que c'était de la drogue. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, Jean-Claude Van Damme, on le retrouve tout de suite. Direction les familles de France. On va rigoler, Jean-Claude. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Oui, et Jean-Claude Van Damme réveille Stéphane ce matin. Ouais. Il le file chez Stéphane, il va réveiller Stéphane, c'est parti. Mise en contact de la star Jean-Claude Van Damme avec la famille de Stéphane. Magnifique. Oui, on va voir. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour. Oui, je vois pas qui... Mon nom c'est Jean-Claude Van Damme et je suis un mage. Voilà. Ah, génial. Enchanté. Oui, enchanté. C'est pour un tournage? Voilà. On va boire un cappuccino, on se réveille. Oui, par exemple, moi je suis plus thé, mais bon, peu importe. I love you. me too, why not? On se connaît pas, mais me too. Ouais. Mais bon, on n'ira pas se faire des papouilles sous la douche, rassure-toi. Oh, on est tous en bon. Oui, oui, bien sûr. Oh, tous refoulés. On est tous des PD refoulés. Moi j'ai une vieille théorie là-dessus. Qu'est-ce que tu passes? T'as pas autre chose à foutre que de t'amuser avec le téléphone, faut vraiment être malade pour jouer avec un téléphone. C'est là. Depuis quand on s'amuse avec le téléphone? T'as rien dans la tronche? Je suis un garçon qui est, je crois, très intelligent. Oui. Ah ben si, moi je regrette ceux qui font ça, c'est des gens qui ont rien dans la tronche. Je suis vraiment un mec qui est tout à fait pas spécial, tout à fait normal. Oui. Non, hein, vous rigolez, ça te fait rire? Moi, tu sais, si j'ai envie de m'amuser et de rire, je ne m'éclaterai pas avec un téléphone, j'irai m'éclater ailleurs. Hein. Si tu me cherches trop, je te transforme en chip. Moi, ça me fait pas rire, hein, je vais te le dire. En plus, je plaisante pas, mon beau-frère est là, il est gendarme. Effectivement, si tu as envie de t'amuser, eux, ils ont des techniques, ça va être vite fait, tu vas pas t'amuser longtemps. Pour moi, maintenant, it's over. It's over, ok, Jean-Claude. Ah bah, pour elle aussi, je crois. Si pour toi, ouais. C'est over, je pense également pour la famille. Elle a pété un plomb. Elle est jalouse. Ah ouais, c'est dingue. Jean-Claude Van Damme a proposé un truc sous la douche. Vous avez entendu? Ouais. Ah ouais. Un truc sous la douche. Allô, elle a attrapé le téléphone vénère. Ouais, pas contente. Jean-Claude Van Damme pour le réveil de star, il est de retour dans moins d'une heure. Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude, t'étais super. Les stars réveillent la France. Ah stop, arrêtez les claquements, merde, arrêtez cette histoire. C'est le réveil de star sur Skyrock. Yeah. Arrêtez les claquements, allez, arrêtez. Arrêtez les claquements, merde. Dans un instant, après Eminem, please stand up. On retrouve l'invité mystère. I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. We started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said... Nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, chicka, chicka, Slim Shady. I'm sick of him. Look at him walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose. But no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips. My bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids. And expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course. They're gonna know what intercourse is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Smith don't got a cuss in his raps. The

C'est ça. T'es une femme pour Romano, toi. Salut la Bourgogne. Et t'es bourguignonne. Salut. En plus. Salut. Et t'as trouvé le nom de l'invité mystère. Qui est donc notre invité mystère ce matin? Eh ben l'invité c'est Cédric. Notre Cédric. À nous. Et oui, notre Cédric à nous. Celui qui a la clavicule cassée et les cuts cassés également. C'est ça. Les 4 cuts. Tu viens de gagner ton iPhone 7, Coralie. Bravo, bravo Coralie. Super, bravo. Et on comprend comment tu fais pour ne résister à un tel charme. Oui. Le charme de Cédric. C'est vrai. Alors ça, faut qu'on vous explique si vous n'étiez pas là hier soir dans la radio libre. Oui, Cédric. Cédric, on l'a eu au téléphone et puis on a fait un test parce qu'il prend de la morphine parce qu'il a mal. La morphine, ça calme la douleur après. Ouais. Oui. Bah, c'est très fort. Lui, par contre, ça le défonce. Mais ça le défonce grave. On va vous faire écouter hier Cédric sur One Dance. On écoute One Dance de Drake là dans un instant. Ouais. Et Cédric sur One Dance, c'est-à-dire qu'on l'avait laissé à l'antenne et on avait passé le son. Et Cédric poussait des gémissements un peu comme ceci là, vous savez. Un peu comme ça. Moi, je vais vous dire ce qu'il faisait. Il faisait la biatch. Et puis, Cédric se rendait absolument compte de rien. Hier, Romano, tu lui as fait une petite blague, on va faire écouter, là. Ouais. Tu t'es fait passer pour une fille qui s'appelle Cassandra, une soi-disant fan de Cédric. Oui, bah, c'est ça, ouais. Et ouais. En fait, pas du tout. C'était Romano qui était à quatre pattes dans le studio pour pas qu'on l'entende. Ouais, avec le téléphone. Avec le téléphone dans la bouche. Et Cédric, il était content, il parlait avec la soi-disant Cassandra. Ouais. Écoutez bien, c'était hier soir dans la Radio Libre. Cédric et Cassandra, tout de suite. Allez. Allô? Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, nickel. Tu reviens quand dans la Radio Libre? Tu me manques beaucoup. Je viens bientôt, t'inquiète. Parce que moi, je vote pour toi au clash. Ouais, dès que j'ai plus de morphine, je reviens. Tu penses que tu pourrais te branler, là? Ça va pas, non. Ça va pas, non. Allez. Ah, laisse tomber. Allez, caresse-toi le sexe. Je peux pas, elle a pas levé ma main. Ah, tu peux plus te branler? Je peux rien faire. Ah, tu peux pas te branler? Tu peux me caresser les mentons? Ça, je peux le faire, si tu t'excites. Hey, Cassandra, elle voulait vraiment te parler, Cédric. Tu l'excites beaucoup. Vas-y. Oh, je t'adore, Cédric. C'est gentil. Romano, c'est vraiment un gros con. Moi, j'ai entendu dire qu'il t'avait giflé. Biflé. Oh, ouais, ça. Biflé, non. Biflé, ah, biflé. Oh, c'est biflé, Cassandra. Biflé, biflé. Oh la peur! Avec sa petite bite qui passe quoi, je regarde voir quoi. Oh la peur, tu t'es fait biffer par Romano! Mais c'est pas vrai ça! Mais je t'aime quand même, Cédric! Moi aussi je t'aime! Je vote toujours pour Romano! Moi je vote pas pour lui! Si toi aussi tu votes Romano! Jamais. Vas-y, dis-le. Tu veux, tu veux trop malo. Connard, t'es des sales cons. Et vous avez vu, ça le met au ralenti. Qui c'est qui a déjà pris de la morphine? T'as déjà pris de la morphine, toi, Coralie? Non, jamais. C'est quand on a très mal quelque part, on donne de la morphine. Ouais. Cédric, il peut plus s'en passer, il est devenu drogué, il est devenu accro. C'est le mec qui lui dit, il dit quand même au téléphone, ouais, je reviens quand j'en ai plus. J'en reviens quand j'ai plus de morphine, ouais, ouais. Et il a mis quand même, bah, il a fallu que tu lui dises que t'étais Romano, il s'en était pas rendu compte. Tiens, la voix qui prenait, oh ouais. Et alors, Cédric le plus sexy, désolé si vous aimez Drake, mais on va écouter Drake. Ah, bah, c'est encore mieux. C'est ce qui s'est passé avec Cédric en featuring dessus, mais il ne le savait pas. C'est le Morphine Remix. Le Morphine Remix de Drake avec One Day. Et donc ton iPhone, c'est confirmé. Coralie, on te l'envoie à la maison à Dijon et on te fait de gros bisous. Merci beaucoup. Gros bisous la Bourgogne. Bisous la Bourgogne, bisous Coralie. Ciao, ciao. Et attention, Drake et Cédric, salut. En featuring, le Morphine Remix. 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Baby, I like your style. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time when I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, ah. I like your style. Putain, c'est bizarre. Guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. T'as craqué, toi. Laisse-le chanter. Oh, ta gueule, putain. Take it slow. Oh, ta gueule. C'est la fin. Le Morning Remix avec Cédric en featuring et Drake que vous avez entendu. Le Morphine Remix. Je savais. J'ai dit quoi ? Bah non, mais c'est ça, ouais. C'est ça, t'inquiète. Ah, le Morphine Remix. Oui, ouais. Parce que moi, maintenant que tout le monde est drogué, je me pose des questions. Je savais pas que ça mettait dans cet état, la morphine. Ah ouais, moi non plus. Hein. Et vous savez que ça l'a mis dans cet état en 3 minutes. Il a pris son cachet de morphine. 3 minutes après, il était comme ça. Cédric, dans le morceau de Drake, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est Cédric qui poussait ses cris si sensuels. Voilà, ta gueule. Magnifique. Ah ouais, Cédric. Ouais, dis donc, si tu dégoûtes. Il y a Adria qui a déjà pris de la morphine. Il y a Thaïs Mania qui nous dit que ça fait planer la morphine. Bah, a priori, ouais. Ouais. Il a l'air mal. Cédric nous dit Virginie. Non mais ça va hein. Ah non il va bien hein, il est en pleine forme. Bah j'étais content que j'ai mis ça. Vous êtes des ouf. Ah et Miss Stone qui nous dit bande de ouf aussi également. Et pour le Strasbourgeois, il a déjà pris de la morphine et il confirme ça fait grave planer. Waouh. Eh bien Cédric planait c'était hier soir ça dans la radio libre. Ouais. Eh bien peut-être que ce soir un nouveau remix dans l'émission. Bah on sait jamais hein. Cédric dans un état pas possible. Et puis bah merci pour les messages que vous nous avez laissés. Ça fait plaisir, on lui passera votre petit coucou. Cédric de retour bientôt on espère dans l'émission avec sa clavicule cassée. Ouais. Non, on attend ça, ses quatre queues. Et ses quatre queues cassées également là. Bon courage Cédric si tu te réveilles avec nous. 7h33, on vous souhaite une belle journée. On vous offre 1 500 € dans un instant. Et puis les conseils pas chers arrivent dans 10 minutes. Tiens, est-ce que vous avez déjà eu des faux billets en votre possession? Toi j'imagine que oui. C'est Romano quand il était petit, il essayait d'acheter du pain avec des billets de Monopoly. Bah ouais, mais ça marchait jamais. Non, ça jamais. C'est toujours faire caler malheureusement. Non, mais des fois ça peut arriver, tu vas chez un commerçant, il te rend la monnaie et hop, tiens, il se débarrasse d'un petit faux billet. Hop, tranquille. Bon, eh bien justement les faux billets, on en reparle dans les conseils pas chers tout à l'heure à 7h40. Comment gagner de l'argent, je vous fais la démo. Ouais, et les 1 500 € juste après les infos qui démarrent par la météo pour aujourd'hui Rémi. Et c'est mieux côté ciel, on a des éclaircies quasiment partout. Bon, il va faire particulièrement beau si vous êtes dans le sud-ouest et sur le Languedoc, quelques averses orageuses attendues sur les Alpes et des en Corse. Et puis prudence aussi au brouillard, hein. Ça commence à se dissiper, mais quand même soyez vigilants en voiture ou en deux roues. Les températures ce matin comprises entre 16 et 19 degrés, 22 sur l'arc méditerranéen, de 22 à 24 dans l'après-midi jusqu'à 26 à Montpellier. Et puis la pollution qui reste acceptable, hein. Les indices compris entre 3 et 4, 5 sur les Hauts-de-France, à Paris, La Rochelle et Marseille. Et 2 minutes pour faire le tour de l'actu du sport, c'est parti. Doit-on rendre l'école obligatoire de 3 à 18 ans? C'est en tout cas la volonté de Najat Vallaud-Belkacem. La ministre de l'Éducation nationale veut en faire un des principaux angles pour la présidentielle de l'année prochaine. Jusqu'à maintenant, l'école est obligatoire de 6 à 16 ans. Le gouvernement souhaite éviter les décrochages entre 16 et 18 ans, ce qui permettra aux élèves de sortir du système scolaire au moins avec un diplôme. Le début officiel de la campagne de la primaire de la droite et du centre, les candidats sont sur la ligne de départ. Ils seront normalement 8 à être adoubés dans la journée par la haute autorité de la primaire qui a contrôlé tous les parrainages. Nicolas Sarkozy n'a aucune inquiétude à se faire et ne sera même pas à Paris aujourd'hui. L'ancien chef de l'opposition est attendu à Calais où il passera la journée avec les élus et les habitants en plein débat sur les migrants. Il donnera ce soir un meeting près de Lille. Un décret publié hier et qui concerne tous les motards, le port du gant sera obligatoire à partir du 20 novembre. Jusqu'à maintenant, c'était vivement conseillé. Cela concerne tous les deux roues, du petit scooter à la grosse cylindrée. Le passager également devra porter des gants. En cas contraire, eh bien, ce sera un point en moins et 68 euros d'amende. La tension qui monte en République démocratique du Congo à quelques mois des élections présidentielles. De violentes manifestations ont eu lieu à Kinshasa depuis le début de la semaine. Ukraine. Des opposants au président Kabila s'affrontent avec la police anti-émeute. Au moins 6 personnes auraient été tuées. On parle foot maintenant avec les deux matchs de Ligue 1 d'hier soir et les résultats de la Ligue 2 aussi. Ouais, le début de la 6e journée de Ligue 1, Lille a chuté contre Toulouse à domicile. Score final 2-1. Paris n'a eu aucun mal à dominer Dijon avec un but signé Cavani. Les Parisiens reprennent provisoirement la tête du classement, provisoirement parce que Monaco peut inverser la vapeur ce soir. En cas de victoire contre Nice, ce sera à 19h. À l'affiche également Angers-Caen, Lyon-Montpellier, Bastia-Nancy, Metz-Bordeaux, Guingamp-Lorient et Nantes-Saint-Etienne. Et puis à 21h, l'affiche du soir entre Rennes et Marseille que l'on suivra en direct dans la Radio Libre. La Ligue 2 avec les résultats de la 8e journée. Reims prend les rênes du classement après une victoire 2-1 sur Clermont Foot. Score nul et vierge 0-0 entre Amiens, Valenciennes et Niort-Gazélec. Un but partout entre Laval-Sochaux et Le Havre-Brest. Nîmes 3 se neutralise 2 buts partout. Ajaccio a dominé Auxerre 2-0. Défaite d'Orléans 4-2 contre Lens. Alors que Bourg-en-Bresse s'impose 2-0 contre Tours. Merci Rémi pour les infos. La suite tout à l'heure à 8h et à 7h36. Bah plein de moyens de gagner de l'argent. Les conseils pas chers, les faux billets. Et, ouais. Et avant ça, les 1500 euros des vrais. Hein. En direct de 6h à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Et ouais, 1500 euros à gagner sur Skyrock tout de suite. Et je ne vous ai pas parlé de la star du jour qu'on va retrouver dans le top lose, top win du jour. On va voir si c'est une loseuse ou une winneuse. Une star droguée. Et encore de la drogue après la morphine de Cédric. Bah tiens. Encore de la drogue ce matin. Une star droguée addict. Mais on en reparle tout de suite. Tenez-vous prêts, c'est dans un instant sur Skyrock. Tu peux jouer, arrêter de jouer avec ton maracas, débile. Ah, je me disais, il y a un bruit bizarre aussi. Oui. Mais c'est Rémi des infos. Très bien. Eh bien, écoute, s'éclate. Tout va bien. L'autre, il danse sur le jingle, oui. Eh bien, écoute. Non, mais là, ça s'appelle un générique. Oui, là. Bon, c'est pareil. C'est un générique, c'est pas tout pareil. À fait, ouais. Merci, Romano. On sent que tu es le maître de la technique dans l'émission. Bah, heureusement que je suis là pour mener tout ça, quand même. Bon, t'as l'enveloppe. Eh bien, tu vas l'ouvrir. Nous, on écoute DJ Snake dans un instant. On aura du Jul, du Vita, du Lil Wayne, du Wiz Khalifa. Tout ça avant 8h. Mais tout de suite, vos 1500 euros à gagner. Si ton téléphone sonne, réponds Skyrock. Localisation du gagnant des 1500 euros. Ah, en couverture de l'enveloppe et localisation du gagnant. On va où ? Attention, je localise dans le 76. Eh bien, on file dans le 76. Où ça, Romano ? À Rouen. À Rouen. Et je localise, c'est la famille Leroux. Eh bien, on appelle les Leroux. Bonne chance. C'est Rudy Leroux. Bonne chance, Rudy. Bonne chance, c'est Leroux. 1500 euros à gagner tout de suite sur Skyrock. C'est parti. Rouen, on arrive. Allô, allô. Oui. Oui. Bonjour, monsieur Leroux. Oui. Oui, bonjour, monsieur Leroux. Vous êtes Rudy, vous, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Nous, c'est la radio, Rudy, au téléphone. On est en direct dans toute la France. Salut, Rudy. Salut. Et on vous appelle les Leroux pour vous offrir 1500 euros. Oui. Il faut répondre à une question. Je te pose la question, Rudy, on va se tutoyer. Hein. Je vais te demander quelle est ta radio préférée. Si t'as la bonne réponse, tu repars avec ton chèque. Skyrock. C'est gagné. Tranquille. Bravo. Bah ouais, tranquille, Rudy. Bravo. Eh, hey, tu viens de gagner 1500 euros, Rudy. Bien joué, Rudy. Pas beau. Vrai ou pas? Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah bah oui, c'est vrai. Je te présente Romano, il y a Cariole qui est là, Sam, les réseaux sociaux, Rémi qui jouait comme Maracas. Bah, tout va bien, le morning est là, Rudy, t'as bien gagné. Et c'est confirmé, c'est gagné, hein. Eh oui, 1500 euros qu'on va t'envoyer à la maison à Rouen. Oh putain. Tu vas tomber, Rudy. Oh non, mais j'avais tellement longtemps que je m'inscris pour gagner. Eh ben, il y a un jour où ça arrive. Tu t'es inscrit au 7-20-20. Faites-le, vous aussi. Inscrivez-vous au 7-20-20. Vous envoyez 1500. Et puis, il y a un jour, on vous appelle comme ça. Bah, pour toi, c'est ce matin, Rudy. Tu fais quoi dans la vie, Rudy? Je suis comptable dans le train, là, je vais à Paris, donc si ça coupe, c'est que je capte plus. Ah non, si ça coupe, c'est perdu. Hein. Ah ouais, c'est dommage. Si ça coupe, les 1500 euros, je les prends, c'est dans ma poche. Ça, voilà, c'est la règle. Je te le dis tout de suite, arrête le train tout de suite. Arrête tout. Arrête tout. J'aimerais bien, ouais. Bon, bah très en bien. Plus, putain, je viens de passer une semaine horrible, alors. Eh bien, écoute, on est là pour te redonner le sourire, pour te faire du bien et t'offrir 1500 euros. Bien joué. Oh, merci. Ouais. Merci. Pour un comptable, c'est pas mal. Tous les matins en réveil, en plus. Eh ben, c'est super, Rudy. Continue. Et puis, bah, écoute, n'hésite pas à te réinscrire. On sait jamais. 1500 euros pour toi. C'est fait. Et. Oh, bah, une fois, c'est déjà bien. Ouais. T'es marié, t'as des enfants, t'es célib. Non, je suis pas que c'est. Ah, t'es pas merde. Ouais, j'allais te dire, si t'es tout seul, tu vas pouvoir en profiter tout seul. C'est bien d'être célibataire, parfois. Et tu vas être obligé de partager. Ouais, bah, ouais, mais non. Ouais. Bah écoute, bravo, t'as bien représenté Rouen. Il y a Yellowman du 76 qui est content. Représente bien Rouen, Rudy. Bravo, Rudy, félicitations. Ouais. Raccroche pas, on prend tes coordonnées. J'espère que ça va pas couper, Rudy, hein. Autrement, vite sous le nez, hein. Ah ouais, attention à toi. Salut, Rudy, bonne journée à toi. Salut, bonne journée, ciao. Vous pouvez gagner dans les transports, hein, dans le train, comme ça. Hop, n'importe là. Où, ouais. 1500 euros, ce sera pour vous dans moins d'une demi-heure. On recommence. Toutes les demi-heures, tous les matins, vous répondez Sky et c'est dans la poche. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Oh là, le rêve. To believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Snake sur Skyrock, Let Me Love You à 7h43. On prépare Vita et Jules. Et je vous l'ai dit aussi, Lil Wayne et Wiz Khalifa qui arrivent. On est dans les duos là jusqu'à 8h du matin. Et avant ça, bah, les conseils pas chers sont là. Les conseils pas chers, on parle ce matin de faux billets, Romano. Et une histoire qui est arrivée, une habitante de Pontcharrat-sur-Turbine. Oh, on salue nos auditeurs de Pontcharrat-sur-Turbine. Non, Turdine. Sur-Burdine. C'est dans le Rhône. Non, mais elle s'est fait baiser. Qu'est-ce qui s'est lui arrivé? On leur filait des faux billets? Ouais, mais c'est la banque, elle. Elle va retirer 800 euros à la banque, ouais, pour les donner à sa mère pour qu'elle les mette sur un compte. Mmh. Sa maman, elle va porter les billets. Quelques jours après, coup de fil de la banque, on a pu mettre que 750 euros. Il y avait un faux billet de 50 euros dans le lot. Elle retourne voir sa banque. Elle dit, vous m'avez donné un faux billet. Et la banque lui répond gentiment, en gros, on n'en a rien à foutre. Nous, vous n'avez aucun moyen de prouver quel billet. Fallait pas le prendre, hein. C'est vrai que c'est arrivé à la Marie du soir, ça. Vous n'avez aucun moyen de prouver que c'est nous qui vous l'avons donné, donc vous l'avez dans le cul. Et voilà, Lulu. Comme la Marie, pareil. La dame est révoltée. Elle est allée à la banque pour retirer un peu d'argent, Marie. Déjà, elle a eu de la chance, ils lui ont donné. Ouais, parce c'est miraculeux. En général, elle est toujours dans le rouge. Et alors, elle n'a pas eu de chance parce qu'ils lui ont refilé un faux billet. Ils lui ont dit exactement la même chose. Mais comment tu veux prouver? C'est vrai aussi. Hein. Bah, il faut avoir une machine sur soi. Exactement, une machine à faux billets. Si tu tires 300 euros en billet de 10, tu passes une heure, quoi. Ouais, là, tu passes une heure devant. Et derrière, t'as une queue et les gens qui t'assurent. Ouais, c'est ça. C'est avec ta machine, tu les passes à part un. Attendez, messieurs, dames. Je vérifie. Je vérifie si j'ai pas des faux billets. Mais moi, je croyais que, tu sais, les distributeurs, justement, dedans, il y avait un détecteur, quoi. Moi aussi. Bah, ça serait logique. Bah, a priori, non. Bah, en tout cas, Camille, elle s'appelle, ouais, Camille Belflori. On lui a expliqué, ce sont des choses qui arrivent. Elle a répondu, je trouve ça quand même aberrant. Oui. Quand on sort de chez le médecin, on ne vérifie pas l'ordonnance. Bon, je ne sais pas trop le rapport. Mais... Non, moi non plus. Voilà. Mais bon, elle était sous le choc, Camille. Ouais. Alors, ça t'a donné une idée pour ce matin, Romano? Ce matin, je vais appeler des commerçants. Vous savez que ces salauds m'ont refilé des faux billets. Non. Oh. Je vais demander un échange. C'est normal, tu vas récupérer des vrais. Ouais, c'est quand même la moindre des choses. Allez, conseil pas cher. Apple a vendu 1 milliard d'iPhone. Romano, lui, il a déjà carotté les gens 1 milliard de fois. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Et ça sonne déjà pour les conseils pas chers. On file donc en France, numéro pris au hasard dans des boutiques. On va chez les commerçants, on va chez qui? Boucherie. Boucherie. La boucherie Doudou. Boucherie Doudou. La boucherie Doudou. C'est Doudou le boucher, quoi. C'est Doudou le boucher. Bon, je vais dire que j'ai donné 500 euros. Ouais, mais c'est pour une boucherie. Ah, t'as acheté de la très bonne viande. Ouais, de la très bonne viande à 500 euros. Allô? Allô? La boucherie Doudou. Oui, oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Bonjour, boucherie Doudou. Je me permets de vous appeler, j'ai pas pu vous appeler avant. Là, vendredi dernier, je suis venu acheter de la bidoche chez vous, là. Oui. Très bonne, hein. Magnifique. Ouais. Par contre, comment il a rendu la monnaie, vous, je sais pas, il y a eu un problème parce que vous m'avez donné un billet de 50 euros, mais c'est un faux. Vous avez vu ça où? À la boutique ou au marché? Ah, à la boutique. Moi, je suis venu vendredi, j'ai acheté des beefsteaks. Et du porc. La tête de porc. Mange la tête de porc. Et ça lui rappelle une ex. Et du coup, vous m'avez rendu les billets, et dans les billets, il y avait un faux billet. Un billet combien? 50 balles. 50 euros? Ah, ouais. Ah, ça aurait été pour 5. Bon, j'aurais pas fait toute une histoire, mais là, 50 euros, ça commence à faire. Hein. Pour que je vous rende 150 euros, vous m'avez donné un billet de 100, alors. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Bon, écoutez, le mieux, c'est que je vais passer, et puis vous me donnez 50 euros, et puis on n'en parle plus. Hein. Moi, je vous ramène le faux. T'as eu un billet de 100 euros la semaine dernière? À boutique? Ah non, on n'a pas eu de billet de 100 euros la semaine dernière. Eh, c'est une menteuse, celle derrière. Là. C'est elle fait des faux billets, elle les refile. Je sais pas ce qu'elle trafique, elle, mais de toute façon, j'ai vu, elle faisait des trucs bizarres dans la caisse. Moi, je veux mes 50 balles, là, monsieur Doudou le boucher. Hein. Attendez, je vous passe son patron. Ah, passez-moi le patron. C'est pas vous, Doudou? Non, c'est le patron. Oui, Doudou. Ouais, c'est Doudou le boucher. Ouais. Ah, Doudou. Ouais. Eh, Doudou, faudrait vérifier quand même, parce que tu m'as refilé un faux billet de 50 balles vendredi. Comment j'aurais pu te filer un faux billet de 50 balles? Quand tu me l'as. Ta caissière, ou je sais pas trop qui, là, m'a donné 50 balles, j'avais acheté du boudin. Ouais, t'as raison, t'as raison, mon gars, c'est pas une caissière que j'ai. Je sais pas, elle a une tête de femme. C'est des conneries. Bon, écoute, Doudou, on va pas faire d'histoire, je vais pas faire. C'était Doudou le boucher. Ah, Doudou, il a pas un autre petit vite fait là? T'as qui? Le fleuriste Frédéric. Ouais. Le fleuriste Frédéric. Ah, allons-y chez le fleuriste Frédéric. Eh voilà, tu lui as filé 500 balles et il t'a rendu un billet de 100. Ah, ouais, j'ai acheté un gros bouquet. Une plante rare là. Un bouquet énorme. Mais ça peut marcher, vous avez vu, mais j'ai cru que ça allait marcher. Moi aussi. J'ai cru que l'employé de Doudou le boucher, il allait se faire piéger là. Là, on va chez qui? Fifi le fleuriste? Ouais, c'est ça. C'est ouvert les fleuristes? Je crois pas. Ouais. À cette heure-là, normalement, il commence à faire les bouquets et tout, quoi. Ah, le fleuriste. Allô, Fifi? Le tabac Jackie. Le tabac? Oui. Oui, bonjour, c'est le tabac Jackie? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je me permets de vous appeler. Je suis venu acheter un paquet de cigarettes la semaine dernière. Oh oui, je m'en souviens. Eh oui, ça j'imagine. Et le problème qu'il y a, c'est que vous m'avez rendu la monnaie, je vous ai donné un billet de 200 euros, vous m'avez rendu 100 euros, mais c'était un faux billet. Ah oui, ça m'étonne pas. Il faudra arrêter. Eh, faites ça aux autres, mais pas à moi, ça ne marche pas. Hein. Ah, je suis désolée. Bon, je viens récupérer un bon ce matin. Comment? Je viens récupérer un bon billet ce matin. Ah bah oui. Ouais, bon écoutez, j'arrive vers 8h. D'accord, très bien. Eh c'est très gentil, ma bonne dame. Et on dira rien à la police, tu pourras continuer à refiler des faux billets aux autres clients. D'accord, ok. Ouais, voilà. On dit rien. Il est là, Jackie, ou pas? Jackie, je pense que non. Non, il est pas là. Bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, je passe à 8h, on se verra tout à l'heure. D'accord, ok. À tout à l'heure, merci, bisous. Salut, ma chérie. Bravo. Et bien voilà. Tu es le numéro 1 des conseils pas chers. Number one. Tu viens de récupérer 100 euros. Et voilà le travail. Nous, on en aura 1500 des euros à vous filer dans un quart d'heure sur Skyrock. On joue ensemble. 1500 euros à choper. C'est tombé à Rouen, là, chez Rudy, il y a pas longtemps. Dans un instant, il arrive. C'est pour vous. C'est l'horoscope de l'amour. Et puis, je sais pas si on la met winneuse ou loseuse. On va retrouver une star qui est complètement droguée. Ah oui, droguée encore. Qui a rien à foutre de sa vie, vous allez comprendre pourquoi. De quelle star on va parler? Star internationalement connue à découvrir. Ce sera dans le Top Win Top Lose du jour. Il est 7h49, l'horoscope dans une minute sur Sky. Ils sont tous là, ses frères et sœurs, ses amis, et même ceux qui vivent loin d'ici. En croisant chacun de leurs regards, Thomas se dit que son plus beau cadeau ce soir,

Alors, qui est la loseuse du morning aujourd'hui? Je vous donne un petit indice, sa voix, écoutez. How are you? How are you? Les Américaines, elles parlent toutes comme ça. C'est vrai. Ouais, elles ont des voix vachement nasales. How are you? Ouais, bonjour madame. Bonjour. Je vous ai pas reconnue encore, mais... Ah, tu l'as pas reconnue? Bah, je sais pas, c'est une Américaine, mais... C'est ben oui. C'est pas Paris Hilton? Non, Kim Kardashian. Ah oui, bon, c'est du même niveau. T'as pas connu Kim Kardashian? Thank you, sir. Ah, salut, Kim Kardashian. Mm-hmm. Alors, pourquoi la loseuse du jour, Kim Kardashian? Parce qu'elle a rien à foutre de ses journées. Ouais. Et elle est droguée au selfie. Ah ouais? Vous savez combien elle a fait de selfies en 4 jours? Non. Il y a des gens qui ont compté. Un site People qui a compté le nombre de selfies qu'elle fait par jour. Elle était en vacances au Mexique. À Mexico. Et elle a fait des selfies. Elle doit vraiment se faire chier pendant ses vacances. Hein, pour prendre des photos d'elle toute la journée. Parce que bon, t'es au Mexique. Tu prends des photos du Mexique. Ouais. Des gens du coin, des paysages, des trucs. Ouais, mais elle se kiffe, elle. Ah bah, elle se kiffe trop. Combien? Bon, Kanye West, je pense qu'au bout d'un moment, tu t'es quand même chié avec lui. C'est possible. Et lui. Parce qu'elle était bien perché quand même. Alors, combien de selfies par jour? Allez, je sais pas, 500? Non. 2000. Non, c'est entre les deux. 1500 selfies par jour. Ah ouais. 1500 en 4 jours, elle en a pris 6 fois, ça fait 6000. Ah ouais, quand même. Là, elle a intérêt à avoir de la mémoire quand même sur son téléphone. Grave. 6000 par jour. Si tu comptes les 8 heures de sommeil, elle en fait un paquet par heure. Ils ont fait le calcul, ça fait 107 selfies par heure. Ah, ils ont fait le calcul, 107 selfies par heure. L'équivalent à 2 selfies par minute. Pas mal. C'est énorme. Ah ouais, l'autre, elle a vraiment que ça à foutre, ouais. Voilà, donc elle mérite le titre, hein, je pense, aujourd'hui. Ouais, bravo, bravo. Kim Kardashian, des bonnes nouvelles de Kim. Elle se fait chier en vacances au Mexique et elle se prend en photo 2 fois par minute. Voilà, elle a découvert l'appareil photo, c'est génial. Voilà, si vous avez des copines ou des potes là qui font des selfies tout le temps parce qu'ils se kiffent trop, ils se trouvent trop beaux, eh bien Kim Kardashian les a tous battus. Je crois qu'elle a un record mondial. Bravo, bravo, tu es bravo, trop Kim. It's so crazy. Et ouais. It's so crazy. En effet, so crazy. Et comment tu me trouves, Kim? It's so cute. Ah, je suis so cute. Merci, Kim. Bon, alors. Vous imaginez si on parlait comme ça tous les matins? Je suis complètement débile. Je suis Kim Kardashian. Excusez-moi, je fais des selfies. Ah, elle fait ses selfies. Je fais des selfies. Bon, notre loseuse du jour aujourd'hui, elle mérite le titre. Vous demain, le prochain. Ouais. 7h57, on va retrouver les infos dans un instant. Les infos qui arrivent. Vos 1500 euros juste derrière. Et le réveil de star aujourd'hui, c'est notre ami Jean-Claude. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme qui réveille les familles de France. Ce sera à 8h10, 7h57. Léna va tester à l'aveugle des biscuits palmiers. Les palmiers Lu à 1,36€ le lot de 2 fois 100 grammes. Puis les palmiers Lidl à 79 centimes le lot de 2 fois 100 grammes. Léna. J'aime. Et. J'aime. De même, j'aime. Oui. Mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur les biscuits Lu Palmito non disponibles chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Lu Palmito, 6,78€ le kilo. Palmier Lidl, 3,95€ le kilo. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Nouveau message, urgent, de Bouygues Télécom. Bah je t'écoute. En ce moment, le forfait 4GB et New 20GB est à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Wow, 9,99€? Oui, mais c'est seulement jusqu'au 26 septembre. Tic, tac, tic, tac. Jusqu'au 26 septembre, profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20GB à seulement 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€. En exclusivité sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération super pouvoir d'achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit et du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat. Va mon héros, va chez Leclerc. Qui fait mieux que Conforama pour vos économies? Du 23 au 26 septembre, Conforama vous offre 10% de remise supplémentaire pour l'achat de 2 produits meubles, déco et gros électroménagers des 400 euros d'achat. Et c'est en plus des promos. Alors, qui fait mieux? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable hors cuisine, voire conditions sur conforama.fr. La protection de l'environnement est un combat qu'on a envie de mener avec vous. Alors, chez Intermarché, nous avons décidé de distribuer gratuitement 10 ampoules LED à ceux qui en ont le plus besoin. Rendez-vous sur intermarché.com pour bénéficier de ces 10 ampoules LED gratuites. C'est tous unis qu'on arrivera à réduire notre consommation d'énergie. Intermarché, tous unis contre la vie chère et pour la planète. Modalité sur intermarché.com. C'était le meilleur week-end de ma vie. On était parti faire du camping avec les enfants. On commence à monter la tente dans la chambre d'un super hôtel, une suite royale. Et là, les enfants, ils veulent aller au Poney Club. Arrivés là-bas, ils choisissent leur poney. Non, des chevaux sauvages. Enfin, non, des licornes. Superbe.

France à quatre exigences. Imposer un cessez-le-feu, assurer l'acheminement de l'aide humanitaire, permettre la reprise des négociations et sanctionner le recours aux armes chimiques. Pendant ce temps-là, Washington et Moscou se rejettent la faute après la mort de plusieurs humanitaires. C'est la polémique qui monte aux États-Unis. Le terroriste présumé qui a fait exploser une bombe samedi soir à New York était connu du FBI. La police fédérale s'est penchée sur son cas en 2004 mais n'a trouvé aucun lien avec le terrorisme. Le père de l'individu a recontacté les fédéraux il y a 2 ans pour dénoncer la radicalisation de son fils. Il explique dans le New York Times qu'on lui a dit à l'époque qu'il n'y avait aucun risque. Une journée de commémoration à Toulouse. Cela fait 15 ans jour pour jour qu'une explosion soufflait l'usine AZF. Le bilan a fait état à l'époque de 31 morts et près de 2500 blessés. Un troisième procès se tiendra à partir du 24 janvier pour déterminer les responsables de l'accident. Une nouvelle augmentation pour les fumeurs. Cela concerne cette fois-ci le tabac à rouler. Pas de chiffres pour l'instant, mais on en saura plus vendredi. La proposition sera présentée au gouvernement et fera partie du budget de la sécurité sociale pour l'année prochaine. Aucune hausse des paquets traditionnels n'est prévue, en tout cas pour l'instant. Résultat foot maintenant avec la Ligue 1 et les résultats à l'étranger aussi. L'ouverture hier de la 6e journée de Ligue 1. Lille a chuté à domicile contre Toulouse. Score final 2-1. Paris n'a eu aucun mal à dominer Dijon 3-0 et prend provisoirement la tête du classement. Monaco peut repasser devant ce soir en cas de victoire contre Nice à 19h. À l'affiche également Angers-Caen, Lyon-Montpellier, Bastia-Nancy, Metz-Bordeaux, Guingamp-Lorient et Nantes-Saint-Etienne. On suivra ensemble dans Radio Libre dès 21h la rencontre entre Rennes et Marseille. Et puis à l'étranger, on jouait hier pour le compte de la Ligue Cup en Angleterre. Chelsea a dominé Leicester 4-2. Large victoire d'Arsenal 4-0 contre Nottingham Forest. En Allemagne, le Borussia Dortmund n'a fait qu'une bouchée de Wolfsburg 5-1. Enfin en Italie, l'AC Milan revient à la hauteur de la Juve, c'est-à-dire autour de la 2e-3e place du classement après sa victoire 2-0 contre la Lazio. Merci Rémi pour les infos. La suite à l'heure à 8h30. Yep. Allez, 8h06, c'est l'heure de vous offrir 1 500 € en direct sur Sky. Dans le morning de Difool, ils ont tous un secret. Sauras-tu les reconnaître? Il peut sentir les odeurs à plus de 1000 km. Il perd ses cheveux chaque fois qu'il reçoit une facture. Il fait l'amour en moins de 3 secondes. On présente les précoces. Elle est amoureuse de son chien. Alors, vous les avez reconnus? 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Et puis vous tous en direct tout au long de la matinée, vous notez bien le numéro pour nous joindre, 01 53 40 30 20 ou alors le 41 759 et ou alors l'appli Skyrock, vous envoyez vos messages. Ouais. Et d'ailleurs tout à l'heure on jouera à Info Mytho, vous gagnerez votre iPhone 7. On parlera également d'argent avec les paris sportifs, le loto, l'euro million, les jeux d'argent. Et les jeux d'argent qui vont te permettre de gagner de l'argent pour les conseils pas chers de 8h40 dans une demi-heure à peu près. Ouais, parce que j'ai les régions de France où on joue le plus d'argent par an. Et où on gagne le plus aussi, je crois. Ouais, c'est ça. Eh bien, on va s'en occuper d'ici une demi-heure. Avant ça, bon, on a plein de choses à faire, du son à écouter. J'ai vu Ken Jones qui se pointe là. Ken Jones. Yeah. Riri arrive aussi. Ouais. Ah, un classique de Rihanna à écouter aussi avant 8h15. Et moi, j'ai l'enveloppe des 1 500 €. Ah, je la cherchais, ça tombe bien. On avait, tu vois. À tout à l'heure. Hein. Non. L'enveloppe, on l'ouvre tout de suite. C'est pour vous offrir de l'argent. Il y a une demi-heure, ça tombait à Rouen, chez Rudy. On va voir si ça tombe chez vous maintenant. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. 1 500 € dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Ouais, et si on vous appelle et qu'on vous demande quelle est votre radio préférée, vous répondez Skyrock. C'est comme ça qu'on gagne. Ouais. Skyrock, et j'espère que ça va répondre Skyrock à Clermont-Ferrand. Ah, les Clermontois. Clermont-Ferrand dans le 63. Puis de Dôme. Et on va chez la famille Tebi. Et c'est Anissa. Anissa Tebi à Clermont-Ferrand, on arrive. C'est mieux Tebi que Tebi. Ouais. Ou Tebé. Ou Tebé. Ou Tebé, oui. Ou Teb, tout court. Ou Teb, tout court, c'est vrai. Anissa Tebi, à Clermont-Ferrand. Allez les Tebi. Allô. Oui, Anissa Tebi. Tebi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Nous, c'est la radio, Anissa. Oui. On est en direct ce matin et on t'appelle parce qu'on t'a tiré au sort et on t'appelle surtout pour t'offrir de l'argent, Anissa. Attention avec ton téléphone, Anissa. Oui, c'est sérieux, là. Oui, attention, c'est sérieux. Attention. Il y a 1 500 € à gagner, Anissa. Oui, dis-moi tout. Je te dis tout. Ah, c'est toi qui vas tout me dire parce que moi, je vais te demander quelle est ta radio préférée, Anissa. Skyrock. Oui. Oui. Oui. Oui. Eh ben, t'as gagné, Anissa. 1 500 € à Clermont-Ferrand. Et bien joué. Ça tombe toutes les demi-heures, le truc, aujourd'hui. Ah, attention, ouais. Hein, faites gaffe. Hein. C'est la folie. À 8h30, on recommence. Et toi, t'as déjà gagné. Bravo, bon. Anissa. C'est trop bon. Ah bah, ça fait plaisir, ah, j'imagine. Oui, c'est bon, hein. Tu viens de te réveiller. T'es réveillé depuis quand, toi? Ah non, moi, depuis 6h30, tous les matins. C'est bien. Et tous les matins, tu te branches sur Skyrock et tu nous écoutes. Tous les matins, toute la journée au boulot, dans la voiture, tout le temps. C'est ça, faut écouter Skyrock tout le temps. C'est bien. On vous tout appelle, c'est Skyrock, c'est tout. Ouais, tout Skyrock, temps. Jour et nuit. Ouais. Day and night. Light and day, yeah. Alors, en tout cas, tu viens de gagner 1 500 € Anissa, bah, ça fait c'est super plaisir. Génial, je vous remercie vraiment, c'est super cool. Je vais pouvoir faire plaisir à mes 3 enfants. Ouais, bah, t'en as fait 3. Génial. C'est bien, Anissa. Bravo à toi, t'embrasses toute la famille. Ouais. Merci, ce sera fait.

Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Et ouais, tous les matins, une star réveille les Français. Et ce matin, Jean-Claude Van Damme réveille la famille de Didier. Allez. Didier et la famille. Attention, c'est parti chez Didier. Est-ce qu'il va reconnaître Jean-Claude Van Damme? Hein? Oui, allô? Bonjour. Oui, salut. Mon nom, c'est Jean-Claude Van Damme et je suis un mage. Ça va? Je suis heureux. Je comprends rien. Bon, quoi de neuf? C'est-à-dire que je crois que dans la vie, on a tous une mission à faire. Bon, t'as changé de boulot ou pas? Je suis parti en Amérique et j'ai tenté ma chance, quoi. Non. Je suis un acteur, je suis à LA, je travaille pour être acteur. Non, c'est à Los Angeles? Faut être persévérant. Et t'es parti faire quoi là-bas? Je travaille pour être acteur. Acteur? Oh bon? Être un acteur, c'est ne pas être un acteur. C'est de devenir une chose réelle dans une vie parallèle à la nôtre, dans la pellicule. Dans la pellicule. C'est pas Jean-Claude, ça c'est sûr. Je suis Jean-Claude Van Damme. Ah ouais? Putain, merde, tu m'en bouches un coin, toi. J'ai cru que je m'étais trompé de Jean-Claude, là. Je suis vraiment un mec qui est tout à fait pas spécial, tout à fait normal. Non. Ah, t'as démissionné puis t'es parti comme ça? Il faut rêver le rêve, c'est très bien simple, que ça devient plus réel que la vie réelle. Oh putain, elle est bonne celle-là. Putain, alors là, tu me scotches. J'ai cru en mon rêve. Bon, tu me racontes des conneries là encore. Conneries. Bon ouais, attends, tu poses ma gueule. Et con lui. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Oui, I love you. T'as fumé la moquette ou quoi? Non, pire, la pire. Coke, faut pas toucher, c'est de la merde. Ah, voilà. Non. Faut encore ma tasse de thé, hein. Je suis allergique à la coke. Ah bon? On est tous homo. Quand il y aura plus de femmes, qu'il y aura plus de maguettes, on verra, hein. Et rien de mieux dans la vie que dire la vérité. Bon, ben écoute, mon petit Van Damme, hein, continue la muscu, la coque, hein, et quand tu veux, tu rappelles. Pour moi, maintenant, it's over. It's over, ok. It's over. Mais on peut le rappeler quand on veut. Hein. Bah, il était sympa. Il était sympa, ce Jean-Claude, ce Didier. Ouais, Didier. Ça, ouais. Ah, au début, il a cru que c'était un pote à lui, Jean-Claude. Ouais, Jean-Claude, t'es parti aux Amériques. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire acteur aux Amériques? À Los Angeles. Ah, ce Jean-Claude Van Damme, il est super. Jean-Claude Van Damme pour le réveil de star de ce matin. Attention, c'est pas fini. Dans un instant, info mytho. Et on va vous offrir vos iPhone 7. N'oubliez pas, c'est au 41759 et sur l'appli Skyrock. Notez bien tout ça. Hein. Ouais. Ouais, l'iPhone 7, il est pour vous. Merci Jean-Claude. Vive le réveil de star tous les matins, 6h10, 7h10, 8h10 sur Skyrock. Les stars réveillent la France. Ah, stop, arrêtez les claquements. Merde, arrêtez cette histoire. C'est le réveil de star sur Skyrock. Arrêtez les claquements, arrêtez. Arrêtez les claquements, merde. Arrêtez, ça fait tout bizarre dans ma tête avec la coke. Oh, c'est terrible là. Rihanna, tout de suite. Road Boys, c'est à 8h17 et c'est sur Skyrock. Come on, rude boy, boy, can you get it up? Come on, rude boy, boy, is you big enough? Tonight I'ma let you be a rider. Giddy up, baby. Tonight. Sur Skyrock, World Boy à 8h21, c'est l'heure de jouer à Info ou Mytho. Eh oui, on a joué à l'invité mystère à 7h20, donc il est 8h21. Nouveau jeu, nouvel iPhone 7 à gagner et Info ou Mytho à retrouver ce matin avec nos infos du monde, nos grands reporters qui ont fait le tour du monde pour avoir les meilleures infos du monde. C'est pour vous. Et puis le meilleur téléphone, ou un des meilleurs téléphones du monde, il est pour vous aussi. iPhone 7. Attendez avant d'envoyer vos réponses, hein. Je t'ai vu Gaëtan là. Gaëtan, il est malin parce qu'il t'a envoyé un message. Il s'est écrit Info. Il y a une minute, puis là tu viens d'envoyer un message où c'est écrit mytho. Malin. Ah, t'es malin, toi. Ouais, c'est bien, bien tenté. Bien tenté, mais on prend les réponses juste après mon top. Et d'abord, la petite histoire que je vous raconte maintenant. Allez, c'est parti. On va parler d'un Français qui est allé voyager en Nouvelle-Zélande et qui a pété un câble, il s'est fait arrêter après avoir fait de l'autostop. Parce que le mec a quand même fait de l'autostop pendant 4 jours sans être pris. Non, mais là-bas, c'est clair qu'il doit y avoir des coins, mais il n'y a pas une bagnole qui passe, quoi. Ce qui est terrible, c'est qu'il a quand même attendu 4 jours. Il est un peu con, con. C'est-à-dire que moi, au bout de 2 heures, bon, je me dis, je vais commencer à marcher un peu. Hein. Ouais. Hein, je vais me démerder, je vais m'arrêter dans un bar, peut-être que je vais trouver quelqu'un. Non, non, non, non, non. Lui, il était au bord de la route, il tendait le pouce et pendant 4 jours, il a eu le pouce tendu. Moi, je te le dis, il est un peu con, con. Il a peut-être une tendinite au pouce, mais il est complètement con. Ouais, 4 jours à attendre des voitures. Bon, il a pété un câble après avoir fait de l'autostop sans être pris. On vous expliquera ce qu'il a fait dans un instant, mais d'abord, il faut nous dire si l'info que je vous donnais, c'est une info ou un mytho. Oui. Eh bien là, vous pouvez y aller, je vous donne le top tout de suite au 41-759. Et avec l'appli Skyrock, vous nous envoyez vos messages, ça marche aussi avec le skyrock.fm, allez-y. Hein. Tout ça, c'est gratuit, vous profitez, vos messages très vite, info ou mytho. On en saura plus sur notre autostoppeur et puis on découvrira les infos de Cariole et Romano ce matin. Ouais. 8h22, bonne chance à vous et bon morning. PNL. PNL, leur nouvel album dans la légende. PNL dans la légende, maintenant disponible dans les bacs. Le magique anniversaire continue chez But. Et le plus magique, c'est quand on ferme les yeux. En ce moment, le matelas Dreamea Memories 160 par 200 est à moitié prix. Oui, 399,50€ au lieu de 793€. Moi, on me dit ça, j'y vais. But, c'est nous. T'as pas l'air en forme ce matin, toi? Bah, toi non plus, hein. Bon, on va chez But. Intersport. Chérie, je me suis offert 3 pantalons effet ventre plat chez Intersport, alors cette semaine, t'es tranquille. Ah ce bon soir, pantalon 3 carré fitness, demain, jazz pant et danse avec Caro, ah ouais. Et vendredi, caleçon long, corde à sauter. Mais on se voit quand? T'as un caleçon effet ventre plat, toi? Voilà. Dès le 14 septembre, c'est le Girl Power chez Intersport. Les pantalons Energetics effet ventre plat 3 coupes au choix sont à partir de 19,99€. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Elle le regarde, il la regarde. Ce soir, pour Rémi, le temps s'est arrêté. En face de celle qu'il aime, il se dit qu'il a de la chance. Il faut dire que... L'Allemagne vient de marquer le troisième but à la dernière seconde. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Étude Odoxa réalisée sur 6429 matchs football, tennis, rugby et basketball du 1er juillet 2015 au 16 février 2016. Numéro 1 pour 73% des cotes relevées. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Dépêchez-vous, ça commence! Les 6 jours grandes marques chez Intermarché. Profitez de 70% en avantage carte sur le lot de 2 bidons de lessive liquide Ariel. Oui, 70% crédité sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 2,99 litres, conditions et magasins participants sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Il y a toujours un petit au look irrésistible dans la classe de nos enfants. Les parents doivent se ruiner. Et non, ils profitent des Original Days chez Tape à l'œil. Les magasins 100% mode de 0 à 14 ans. Jusqu'à moins 50%. Oui, jusqu'à moins 50%. Les Original Days jusqu'au 26 septembre chez Tape à l'œil ou sur t-a-o.com. Valable sur produits signalés dans les magasins et sur le site Tape à l'œil. Le mois Carrefour. Pendant le mois Carrefour, il y a de nouvelles promos complètement renversantes. Oui, aujourd'hui par exemple, pour l'achat d'un bloc de foie gras mi-cuit de la Maison du Foie Gras, on bénéficie de 80% de son prix en bon d'achat. C'est parti, génial. Avec le mois Carrefour, vivez une expérience renversante. Jusqu'à vendredi, retrouvez chaque jour des produits de marque avec 80% de leur prix offert en bon d'achat. Bloc de 180 grammes, plusieurs variétés, dans la limite des stocks disponibles. Produits concernés, modalités sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Carrefour. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi, avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi, avec Orange Cash, en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Eh ben nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. Leclerc. En ce moment chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, 50% de réduction immédiate sur les capsules de café L'Or Espresso. Mais non. Ah si, avec au choix Forza, Splendente, Delicioso, Supremo ou Ristretto en boîte de vin. Du 20 au 24 septembre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. La boîte de 20 capsules de café L'Or Espresso, variété au choix, avec 50% de réduction immédiate, est à 2,35€ après réduction, voire conditions dans les magasins participants. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. 8h26 sur Skyrock, allez on joue, info ou mytho tout de suite. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Et on accueille Laura avec nous, 24 ans, à Guyoncourt dans le 78, salut Laura. Salut Difool, salut tout le monde. Salut Laura. Bah bienvenue salut à toi Laura. Salut. Alors Laura, tu as entendu l'info que je donnais il y a un instant, un Français en Nouvelle-Zélande qui pète un câble après avoir fait de l'eau. Qui c'est qui parle derrière, qui a fait bouillou bouillou? Oh, comment elle s'appelle? Ça s'appelle Eden. Bisous Eden. Très bien Eden. Bon alors un Français en Nouvelle-Zélande qui pète un câble parce que le mec a fait de l'autostop. Bon, il a fait de l'autostop pendant 4 jours sans être pris par personne. Après il a pété un câble, il s'est même retrouvé devant le tribunal. Je vous raconte tout en détail dans un instant, mais d'abord il faut nous dire si c'est vrai ou si c'est faux, un mec qui attend 4 jours pour être pris en autostop sans être pris par personne. C'est une info. Et oui, c'est vrai. Oh là là, le pauvre. Lui, il va regretter ses vacances en Nouvelle-Zélande. Non, mais bon. Je te dis, le mec est débile. Alors après, il a quand même réagi au bout de 4 jours. Ah, attends, c'est bien. C'est bien, le mec, il est loin à la détente quand même. Il s'est dit, ça m'énerve, je vais faire quelque chose. Donc là, il s'en est pris à des panneaux de signalisation. Il a arraché les panneaux de signalisation. Et il a vu aussi des gens qui passaient, il les a insultés. Il a pris 1 960 € d'amende et a déclaré devant le tribunal, ce pays ne devrait pas s'appeler Néo-Zéland, mais Nazi-Zéland. Voilà, donc il a bien pris ses 1 960 € d'amende. Il a bien fait d'y aller en tout cas. Et je crois qu'il y retournera plus. Ça m'étonnerait. S'il peut en sortir un jour. Donc c'était une info. Bien joué Laura. Félicitations, merci. T'es qualifié. Attention, on rentre dans le game. Oui, parce que l'iPhone n'est pas encore gagné. Maintenant, il faut déjouer le mytho ou la mytho. Ouais. Carriole ou Romano, ils ont tous les deux un truc à te raconter. C'est parti. Info ou mytho, qui dit vrai, qui dit faux? À toi de détecter le mytho. À toi Laura, écoute bien l'info de Romano tout de suite. Alors attention, on va parler de Rihanna et de Drake. Ah, le nouveau couple. Oui, le nouveau couple. Oui. Alors il y a un problème, depuis que Drake est en couple avec Rihanna, les potes de Drake lui reprochent de ne plus les calculer. En fait, le mec passe son temps avec Rihanna. Bon, en même temps on peut le comprendre. Oui, c'est vrai. Il passe son temps avec elle, ses potes se sentent délaissés, ils ne sont pas contents, ils sont tristes. Drake ne les calcule plus. Alors, ça c'est l'info de Romano. Info ou mytho, hein. Écoute bien celle de Carriole avant de faire ton choix, Laura. Moi, ça s'est passé hier matin sur l'autoroute A8. Oui. En direction de Nice. Oui. Il y a un avion qui s'est posé sur l'autoroute. Voilà. Tout simplement. Tout info simplement. Ou mytho. Ce qui est tout à fait normal. Ouais, Carriole, c'est courant. C'est courant. Mais attention, Laura, tout peut être vrai. Tout peut arriver dans le morning. T'en penses quoi, Laura, de ces histoires? Alors moi, je pense que Carriole, c'est mytho et Romano, c'est info. Carriole, mytho, Romano, info. J'aurais dit comme toi. Attends, Carriole, mytho, Romano, info. Oui. Ouais. Ah bah oui, mais non. Qu'est-ce attends, t'as dit quoi? T'as dit quoi? Je me souviens déjà plus, moi. Moi, elle a dit mytho, toi, info. Ah bah donc c'est pas bon. Mais ah, non. C'est pas bon. Ah bah non, c'est pas bon. C'est ah, moi, pas c'est bon. Vrai, moi. Putain, je me serais planté, moi aussi, dis donc. Ah bah voilà. Et ouais. Oh bah Laura. Ouais, j'ai demandé confirmation, si c'est pas bon. Alors Drake, qu'est-ce qui s'est passé avec Drake? Bah en fait, ses potes, bon c'est encore pire, ils lui disent ouais t'as un gros niais. Ah, depuis que t'es avec ta meuf, t'es un gros niais, c'est ça? T'as un gros niais, t'es trop gentil. Alors et Drake, lui, se défend, il dit non, vous êtes jaloux. C'est vrai, ils sont jaloux, Drake, t'as raison. Ouais. Et donc Cariole, un avion s'est bien posé. Putain, j'aurais jamais dit ça, moi. Comme toi Laura, je me serais planté. Ouais, un petit avion à hélice. Un petit avion hélice s'est posé sur l'autoroute comme, bah, ça, comme ça. C'est normal. C'est mieux qu'un Airbus 380. Bon alors c'est loupé pour l'iPhone, Laura. Mais ah bah désolé Laura. Tu pourras revenir jouer avec nous quand tu veux. On va t'envoyer un t-shirt Skyrock déjà pour toi. Plus un jeu au choix. Tu prends FIFA 16 si t'aimes le foot. Non, FIFA 17, on va quand même filer le nouveau. FIFA 12. Ouais, on offre le nouveau. Sinon on a NBA 2K17. Ouais, les deux jeux qui sortent là qu'on peut t'envoyer. Et tu reviens jouer quand tu veux Laura. Bah, désolé ouais. Laura. Et on va voir si on a des tailles enfants, tout petits mini pour les t-shirts Skyrock quand on offre deux. Bah oui, ça sera mignon. Pour Eden. Merci pour Eden. Bisous Laura. Et à bientôt. Et à bientôt. Ciao. Salut Laura. Salut. Bah ça sera bien parce que t'as une jolie voix, ça sera l'occasion de te réentendre bientôt sur Skyrock. Ah, c'est vrai ça. Absolument, oui. Salut Laura. 8h31. C'est 1 500 € dans un instant. Pitbull qui arrive aussi. Dale. Avec Green Lights, avec Florida, ils sont tous les deux sur le morceau. Ouais. Il y aura du Alonso aussi à écouter avant 9h du matin. Et puis vous conseillez pas cher, mais on en reparle juste après les infos sur Skyrock. Les infos qui démarrent par la météo pour aujourd'hui. Eh ben dis donc, retour du soleil, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui, hein, ça fait plaisir. Bon, on aura quand même un petit peu d'orage possible sur les Alpes et puis quelques averses également au niveau de la Corse, mais partout ailleurs, c'est quand même un beau soleil. Voilà, hein, le soleil va s'imposer, surtout si vous êtes dans le sud-ouest et sur le Languedoc. Les températures ce matin comprises entre 16 et 19 degrés, 22 sur l'arc méditerranéen, de 22 à 24 dans l'après-midi, jusqu'à 26 à Montpellier. Et puis la pollution, eh bien ça reste stable par rapport à hier, les indices compris entre 3 et 4, 5 sur les Hauts-de-France, à Paris, La Rochelle et Marseille. Et le point sur l'actu, toute l'actu en 2 minutes, c'est parti avec du sport aussi. On doit en rendre l'école obligatoire de 3 à 18 ans, c'est en tout cas la volonté de Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'éducation nationale, veut en faire une des priorités pour la présidentielle de l'an prochain. Jusqu'à maintenant, l'école est obligatoire de 6 à 16 ans, le gouvernement souhaite éviter les décrochages entre 16 et 18 ans, ce qui permettrait aux élèves de sortir du système scolaire au moins avec un diplôme. Le début officiel de la campagne de la primaire à droite et au centre. Les candidats sont enfin sur la ligne de départ. Ils seront normalement 8 à être adoubés dans la journée par la haute autorité de la primaire qui a contrôlé tous les parrainages. Nicolas Sarkozy n'a pas d'inquiétude à se faire. Il ne sera même pas à Paris aujourd'hui. L'ancien chef de l'opposition est attendu à Calais où il passera la journée avec les élus et les habitants en plein débat sur les migrants. Il donnera ce soir un meeting près de Lille. Calais justement, on en parle avec les premiers coups de pioche du nouveau mur végétal. La construction a débuté. C'est l'Angleterre qui finance. Il fera 1 km de long et 4 mètres de haut à quelques centaines de mètres de la jungle. L'objectif est d'empêcher l'accès aux voitures qui sont régulièrement bloquées la nuit par les migrants qui tentent de rejoindre l'Angleterre. Le mur devrait être terminé à la fin de l'année. 3 ados en garde à vue après la fausse alerte de prise d'otage à Paris. Ils sont âgés de 14 et 17 ans et ont été interpellés en Vendée et en Haut-Lozère. Des distances géographiques assez éloignées qui démontrent qu'ils ne se sont jamais rencontrés mais qu'ils ont agi via Internet. Le lien avec la fausse alerte n'est pas établi pour l'un des 3 jeunes arrêtés. Les deux autres vont être entendus au 36 quai des Orfèvres par les policiers de la section antiterroriste. La fin d'une histoire d'amour qui aura duré 12 ans. Déluge de réactions sur les réseaux sociaux après l'annonce du divorce entre Angelina Jolie et Brad Pitt. Alors, pas d'histoire de tromperie à première vue. Hein. Angelina Jolie a eu peur pour l'éducation de ses enfants à cause de la consommation de drogue et d'alcool de Brad Pitt. Ouais, nous on en parlait tout à l'heure, l'autre elle est bourrée au médoc, donc elle est gentille. Non, elle a pris plein de trucs aussi. Hein. Et en plus, oui, c'est vrai. Oui. À une époque. Ouais. En tout cas, ils ont eu 6 enfants ensemble, ils s'étaient rencontrés en 2004 sur le plateau. Ils en ont eu 2 et 4. Ils en ont adopté 4. Ouais, mais ça fait 6 quoi. Oui, c'est ça, 2 et 4, 6. Bien joué Rémi. 6 enfants ensemble. Les journalistes. Et ils sont rencontrés en 2004 sur le plateau de Mr. and Mrs. Smith. Voilà. Quelle triste nouvelle. Ouais, ça arrive. Ouais, bon, ça va. De toute façon, ils avaient fait un contrat de mariage. Ouais, je sais pas pourquoi ça. Bah, demande la garde des enfants, mais elle demande pas de pension alimentaire. Très bien, il pourra fumer des ouinges tranquille. Voilà, tranquille, dans son château dans le sud de la France. Non, ils l'ont vendu. Enfin, ils veulent le vendre. Ah oui, c'est vrai. Ça va être mis en vente. Ouais, mais c'est elle qui voulait, donc du coup, il va peut-être pas le vendre parce qu'il aime bien faire du pinard, lui. Place-toi, Romano, place-toi. Ouais, vas-y. Ouais, c'est un peu cher, je pense. Non, mais il est libre maintenant. Ah ouais, c'est... Brad Pitt, oui. Le sport. Allez, le sport Ligue 1 avec les résultats et les matchs à suivre pour ce soir aussi. Ouais, 6e jour. journée de Ligue 1, Lille a chuté à domicile contre Toulouse, score final 2-1. Paris n'a pas eu trop de mal à dominer Dijon 3-0 avec entre autres un but signé Cavani. Les Parisiens qui prennent provisoirement la tête du classement, Monaco peut encore repasser devant ce soir en cas de victoire contre Nice à 19h. À l'affiche également Angers-Caen, Lyon-Montpellier, Bastia-Nancy, Metz-Bordeaux, Guingamp-Lorient et Nantes-Saint-Etienne. On suivra tous ensemble dans Radio Libre dès 21h la rencontre entre Rennes et Marseille. Eh oui, merci Rémi pour les infos. Il est l'heure de vous offrir 1500 euros, 8h35. C'est l'heure de gagner de l'argent maintenant sur Sky. En direct de l'appart. C'est le morning de Default sur Skyrock. The morning show. Eh oui, ça tombe toutes les demi-heures. C'est tombé à 7h30 à Rouen chez Rudy. C'est tombé à 8h chez Anissa à Clermont-Ferrand. Et ça va peut-être tomber chez vous maintenant sur Skyrock, les 1500 euros. Inscrivez-vous d'ailleurs au 72020. Vous envoyez 1500 au 72020 si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Et on vous appelle. Et on vous appelle. Et puis si vous n'avez pas envie de vous inscrire, bah, on peut aussi vous tirer au sort dans l'annuaire. Et vous pouvez aussi gagner 1500 euros. Ah bah c'est gentil. C'est ça la magie des 1500 euros. Oui, je viens de te donner l'enveloppe, Romano, parce que j'ai vu que tu avais l'ouvre-boîte, là, le gros machin. Ouais, c'est ça, c'est une baguette de tambour. Une baguette de tambour qui sert à ouvrir les enveloppes des 1500 euros le matin. Ah, ça, c'est pas cher. Et les conseils pas chers arrivent aussi. Oui, conseils pas chers. On va parler de jeux d'argent. Tiens, justement, on continue dans l'argent ce matin. Ouais, et je vais vous donner les régions où les gens le jouent le plus d'argent aux jeux à gratter, loto, côté match et compagnie, quoi. Bon, on s'occupe de ça, mais d'abord, on s'occupe de vous. 1500 euros à gagner. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. C'est 1500 euros dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Et oui, maintenant, 1500 euros pour vous. Alors, attends. Ah merde. Qu'est-ce que ça fait tomber par terre? Attends, j'ai tout déchiré. Quel sagouin. Regardez-moi ça, il fait tomber le chèque par terre, un chèque de 1500 euros. Mais... Alors attention, on va chez une Isabelle. Il gagne tellement d'argent, ses conseils pas chers qu'il a plus la notion de l'argent, il laisse traîner. Isabelle Marcel. Marcel. Isabelle Marcel. C'est mieux d'ailleurs pour une fille qu'elle s'appelle Marcel nom de famille plutôt que Marcel prénom. Ouais, Marcel ça doit être le nom de famille et elle est à Paris, Paris la capitale. Allez, on file à Paris ce matin, 1500 euros pour une Parisienne peut-être. Isabelle Marcel. Isabelle Marcel. Allez, 5 sonneries. Attention, on est à la deuxième et j'espère la bonne réponse. Allô, allô, madame Marcel. Non, madame Mancel. Madame Mancel, excusez-moi. Bonjour, madame Mancel, c'est la radio au téléphone. Non. Si, on vous a tiré au sort ce matin. Vous êtes Isabelle, vous? Oui, tout à fait. Tout à fait, Isabelle. Oui, tout à fait. Oui. On t'a tiré au sort pour t'offrir 1500 euros ce matin, Isabelle. Ah. Ah. Il faut répondre à une question. Je vais te poser la question tout de suite. Si t'as la bonne réponse, Isabelle, tu gagnes. Ok, ça marche. Faut me dire quelle est ta radio préférée, Isa? Énergie. Non. Et non, tu peux pas nous faire ça, Isabelle. Oh, Isabelle. Bon, tu nous fais faire des économies d'un côté, hein. Oui, c'est pas mal. Ah, bah, voilà. D'un autre, t'es passé à côté de 1500 euros. C'était Skyrock au téléphone. Ah, bah, oh, quel dommage. Bah oui, c'est dommage. Mais t'écoutes. J'écoutais ça quand j'avais 20 ans. Ah oui, bah après, quand on a 60, on écoute énergie. Bah oui, c'est non, la vie. La télé. Bah, on regarde la télé. Eh oui. Ah, tu écoutes plus la radio? Ah, fini, non. Ah bah viens nous voir, Isabelle. Bah oui, reviens. J'ai pas le temps. Ah, mais si, reviens. Ah oui, reviens. Reviens, Isabelle, tu nous manques. Moi, c'était Arthur à mon époque. Ah ouais, putain, ouais. T'as... Ah ouais, ça remonte, ouais. Oui, ça remonte. Ah ouais, ça date. Moi, je t'ai même pas né, moi. Mais bon. Il y avait Malheur aussi à l'époque. Ah oui, oui, on le salue d'ailleurs. Voilà. Bonsoir la planète. Oui, c'est vrai. Ah, c'est pour les anciens d'Escalade. Nous, on n'était pas là encore, mais bon, on est arrivé et t'es pareil, toi. Bah, dis donc. Pas de chance. Bah, ça fait plaisir. Bon, viens nous voir, Isabelle, et on te fait un gros, gros bisou. Ça marche également aussi. Et tu verras, la radio, c'est mieux que la télé, hein. C'est bien parce qu'au moins, on nous voit pas. Ouais, c'est pas mal. C'est un gros avantage, Isabelle, ça. Bon, on te fait un gros bisou et puis à très bientôt, Isabelle. Bonne journée, au revoir. Bonne journée à toi. Salut. 1500 euros qu'on garde pour bah, le prochain coup. Vous répondez Skyrock et c'est 1500 euros dans la poche. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait... Non, putain, non, je suis refait, là. Dès le réveil. Dès le réveil. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light. Mr. 305. Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys. You know what time it is. Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. Mommy, and you know what that means, that we can do anything, anything that you dream. I wanna make you ooh, ah, till you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. Find a G spot and stay. step on the gas. Woo! Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Ready, then I'm ready. Pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Give me what I ask for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. I bring the Venus, flow of genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out, slide out. Rally strikes in the 500, bye-bye. Wild out, shout out. Be high in the honeycomb, hide out. Have a good time. Right now, right now. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Let's go. Cause I'm ready to go. Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Green Light sur Skyrock, il est bon ce morceau, c'était Pitbull et Florida, ou Florida, ce que vous voulez. Et dans un instant, il y a Alonso qui se pointe. Alonso qu'on écoutera avec Binta, ça aussi on aime bien. Et un petit Pitbull aussi, non? Un petit. Pitbull, on vient de l'écouter. Ouais, Justin Timberlake, quoi, pour faire matinée Pitbull. Il est très sympa, mais bon. Il est sympa, mais bon, ça suffit pour les animaux ce matin. Allez. 8h41, ben on est à l'heure pour les conseils pas chers. Conseils pas chers tous les matins sur Skyrock, de bonnes idées pour gagner de l'argent. Les jeux d'argent. Les jeux d'argent. Les jeux à gratter, les cases à cocher. Qui sont les champions de France des jeux d'argent? Est-ce que vous jouez beaucoup? C'est que moi, je joue jamais aux jeux d'argent. L'argent se gagne à la sueur de mon front. Ouais, moi pareil, j'aime pas trop dépenser moi, j'adore, trucs, dans ces conneries. Toi, tu fais parce que t'es radin, toi. Moi, c'est pas parce que t'es un gros radin. Je suis pas radin, je juste que l'argent se gagne à la sueur de mon front. Moi, j'aime bien jouer. Ah ouais, ça, Cariole, elle est addict au jeu. J'aime ah ouais, bien, ouais. J'en ai un dans mon portefeuille. Tu la laisses dans un casino, elle joue sur 4 machines à sous en même temps. Oui, c'est vrai, ouais. Et là, cling, cling, cling, cling. Ah ouais, elle pousse des hurlements. Et après, tout, elle fait une crise d'épilepsie. J'adore. Elle adore faire des crises d'épilepsie. En jouant à des jeux. Alors, c'est qui les champions de France des jeux? Qui c'est qui joue le plus? C'est ça, en fait, la question. Ouais, c'est ça. Eh ben, j'ai le top 5. Ouais, il y a Kitam qui dit, comme moi, je déteste les jeux d'argent, je perds toujours. Moi aussi, j'aime pas perdre. Ouais, ben ça, en général, ouais, t'aimes pas quand tu perds, ouais. C'est peut-être pour ça que je joue pas, parce que tu gagnes pas à tous les coups, hein. Ah ben non, sinon, il ferait faillite, la Française des jeux. C'est vrai. Bon, alors, numéro 5 dans le classement des régions qui jouent le plus d'argent. Oui. Il y a la Seine-Saint-Denis. Les départements même, jouent ouais. Le plus d'argent. Seine-Saint-Denis, 9-3. Bravo le 9-3, vous êtes 5e. Ouais. 4e, le Val-de-Marne. Bravo le Val-de-Marne. Encore la région parisienne. Ouais. 3e, bah, c'est Paris même. Oh là, région parisienne, ça dépense de la thune, dites donc. 2e, c'est la Réunion. Mmh. Et 1er, c'est les Corses. Ah, c'est les Corses qui jouent le plus d'argent. 963 € par an en moyenne. C'est deux fois plus que la moyenne nationale. Ah ouais. Si je perds, je braque le tabaquier. Et voilà, et poum. Le tabaquier, ping, pam, poum. Poum. Et voilà. Ah bah, vu que les Corses, c'est les plus joueurs, ce matin, je vais les faire jouer. Ah, tu vas jouer avec les Corses. Bon courage. Évidemment, et bonne chance. Je vais leur piquer un peu d'argent. Oui. Eh ben on y va. Eh ben on va en Corse. Allez, c'est conseils parti. Pas cher. Romano n'a pas besoin de se coiffer le matin. Ça lui fait plus de temps pour arnaquer. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Allez, on va chez nos amis les Corses là ce matin. Je relance la Romano des jeux. Hein. Ah, retour de la Romano des jeux, le jeu où À tous les coups on perd. À tous les coups on perd. C'est ouais. Ça. C'est le slogan mais que je ne donne pas aux familles. Il y a également un autre slogan, c'est tous les perdants ont tenté leur chance. Exact. Ouais. Et j'ai lancé le nouveau jeu, le gratte mon cul. Le gratte mon cul. N'importe quoi. Non mais c'est vrai, ils ont gratté plein de trucs. Tu grattes des ballons, Allô. Oui, Dominique, bonjour. Oui, bonjour Dominique, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Eh ben ça va nickel, c'est la Romano des jeux à l'appareil, la loterie. Ouais. Ouais, et je voulais te proposer, parce que là on a lancé un nouveau jeu, c'est le gratte mon cul. Ouais, ça m'intéresse vraiment pas. Bon, allez, c'est pas cher, c'est 5 € la partie. Non, ça m'intéresse pas. Tu me grattes mon cul et on voit ce que tu gagnes. Non. Est-ce que je peux venir te voir ça ce matin? Ça marche pas. Allez, Dominique. Non. Merci. Allez, sois cool. Viva Corsica. T'as tout essayé. Ah, merde. Tu sais parler corse? Brochou. Bien, un brochou. Le brochou. C'est du fromage. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, du fromage qui pue. Non, c'est, quoi, c'est frais, c'est de la brebis, je crois. C'est quoi le saucisson, là, qu'ils ont, là? Le figatelli. Figatelli. Oui. Allô? Georges. Oui. Hey, c'est Georges. Oui. Hey, comment vas-tu? Qui le téléphone? Hey, c'est la Corse des Jeux, à l'appareil. Pardon? La Corse des Jeux. C'est comme la Française des Jeux, mais c'est Corse. Eh hey, oui. vive, le brochou. Figatelli. Bon, d'Ivoire, est-ce que tu voudrais un ticket de gratte mon cul? C'est le nouveau jeu de la Corse des Jeux. Oui, la Corse des Jeux. Tu me grattes le cul, allez, on voit ce que tu gagnes. Pelle-toi, merci. Peut-être du brochou à gagner. Ah, c'est ça que tu offres, des brochou à gagner. Magnifique. Bon. Allez, un dernier. Allez, Corse. Un petit dernier pour la route. Ça nous fait plaisir d'aller faire un petit tour en Corse ce matin. Super votre île, les Corses, c'est de la chance. Hein. Ah, c'est joli là-bas. Ah, c'est joli, il y a la mer et tout. Bah, allô. Allô, c'est la femme à Bernard. Oui. Oui, bonjour, c'est la Corse des Jeux à l'appareil. Oui. J'aimerais te vendre un ticket de gratte mon cul. Ouais, c'est ça. Grattez-le vous-même. Tu me le grattes, tu vois ce que tu gagnes. Il y a du brochou à gagner. C'est inquiétant, Manon. Du brochou sur ton cul. T'es malade. T'as mangé un truc, ça t'a rendu malade ce soir-là. Non, mais bon, ça pourrait marcher. En tout cas, ça fera un beau buzz si lançait un truc comme ça, la Française des Jeux. Mais ça n'existait pas déjà, un truc qui s'appelait le gratte-cucu, je sais pas quoi. Le gratte-cucu. Ça te dit rien? Là, il y avait gratté Dédé, là, c'était le cochon. Moi, je connais le tape-cul, c'était une vieille voiture que j'avais qui. Bah, j'ai dû faire un mix alors. Sinon, il y avait les morpions. Ah, les morpions. C'est vrai qu'on n'était pas loin du cucu, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, après le morpion, voici le gratte mon cul. Ah, j'en ai dans ma culotte des morpions. Magnifique, carriole. Mais on va gratter tout ça, t'inquiète. Ah, ouais. Dans un instant sur Skyrock, l'horoscope de l'amour. Dans une minute exactement, votre horoscope, le son d'Alonso que vous avez promis. Et puis la compile du jour. Ah, on en reparle tout de suite, bougez pas. DJ Snake. Let me love you. Talk. Ils sont tous sur son premier album, encore. DJ Snake, en concert au Zénith de Paris le 25 novembre. Nouveau message, urgent, de Bouygues Télécom. Bah je t'écoute. En ce moment, le forfait 4GB et New 20GB est à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Waouh, 9,99€ ? Oui. Mais c'est seulement jusqu'au 26 septembre. Tic, tac, tic, tac. Jusqu'au 26 septembre, profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20 Go à seulement 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€. En exclusivité sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Et attention, la compile du jour arrive. Je vous l'annonce, on va faire une compile du jour sur les ch'tis et les Marseillais. Ah, les ch'tis, les Marseillais contre le reste du monde, c'est la compile qui arrive. Mais d'abord, l'horoscope de l'amour. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Allez, on y va pour l'horoscope de ce mercredi 21 septembre. On va découvrir tous les signes et leur puissance amoureuse. La puissance amoureuse est à 0 sur 5. Oh. Pour les taureaux et les gémeaux aujourd'hui, vous serez très têtu aujourd'hui, trop têtu. Essayez quand même de respecter l'opinion des autres, ça vous aidera à passer une meilleure journée et surtout ça vous aidera à éviter les embrouilles. 1 sur 5, les sagittaires et les poissons. Attention aux excès de poissons et de... pas de poissons, hein, de boissons et de nourriture si vous voulez continuer à plaire aujourd'hui. Attention. 2 sur 5, les taureaux. Non, les capricornes. Pourquoi les taureaux? Les taureaux, ils ont 0. Les capricornes, on a 2. Ouais. Et les lions aussi. Capricorne et lion, une expérience du passé vous fera peut-être éviter une erreur sur le plan sentimental aujourd'hui. 3 sur 5, les vierges et les cancers, vous aurez le cœur sur la main. Les autres vous en seront reconnaissants. Bonne manière pour faire plaisir à votre chérie ou pour séduire, vierge, cancer. 3, 4, les scorpions et les béliers, vous jouerez un petit peu la provoque aujourd'hui. Eh ben, en provoquant les autres, ça va marcher. Et 5 sur 5, les balances et les versos, dites donc. Eh ouais. On s'est tapé toute la journée, Romano. Ouais, ouais, je suis verso. Tout le monde en disant, j'ai 5 sur 5 à l'horoscope de Sky. Ouais, je suis verso, moi. Balance, verso, 5 sur 5, célibataire. Un petit truc en plus chez vous qui ne laissera personne indifférent. Et pour les couples, vous serez en forme pour tester de nouvelles choses en amour. Ça va être beau tout ça, balance verso. C'est vous les meilleurs. Et dans un instant, place à la culture, à l'intelligence, avec Jessica et Kim des ch'tis et des Marseillais. Ouais. Contre le reste du monde. Et là, c'est du lourd, attention. Ah là, ouais. La compile du jour qui arrive, 8h49 sur Sky. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Ah bah tiens, un Marseillais maintenant. Mais il est pas dans les ch'tis, les Marseillais, lui, hein. C'est Alonso sur Skyrock. Bida dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne. T'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a quoi de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. J'ai bien capté ses manigances, elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Elle voit que le coût des finances, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le smic est resté assez minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves des fous. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé. Un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Elle vit la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les hommes sous son blabla. Elle provoque des balles. Skyrock, c'était Binta. Ah, quel beau générique. Les ch'tis, les Marseillais contre le reste du monde. Rest of the world. Ah, là, il y a du niveau. Hein. Du niveau, place à la culture maintenant, eh oui. Ah, c'est. T'as voulu dire la culture générale, ça fait pas tout dans la vie. Hein. Eh non, la culture générale, ça fait pas tout dans la vie. Bah, heureusement pour elle. Et heureusement pour toi, c'est ce que j'allais lui répondre aussi. Alors, les ch'tis, les Marseillais, c'est notre compile du jour. Hier, arrivée de Kim, la Marseillaise, dans l'émission. Une des stars du programme. Hein. Ouais, et elle se déteste avec Jessica. Et toutes les deux, pourtant, elles ont tellement de points communs, elles sont tellement intelligentes, toutes les deux tellement cultivées, qu'on a décidé de faire un top culture aujourd'hui dans notre compile du jour. La compile du morning de Default sur Skyrock. Eh ouais, la compile du morning avec donc les ch'tis, les Marseillais. On va les confronter toutes les deux. Vous nous direz d'ailleurs dans un instant qui est pour vous la plus intelligente. Ouais. La plus intelligente, c'est peut-être pour vous Jessica. Écoutez bien, voici une phrase culte de Jessica. Allons-y. Numéro 3. Numéro 3, phrase culte de Jessica à propos de la fabrication des verres. Ouais. Elle est pas, ah, si, oui. Elle est pas si con que ça, Jessica, vous allez voir. Une battle d'artisans verriers. Verrier, c'est le verre. Ouais. Je sais pas, moi, les verres, je les achetais au supermarché, j'avais même pas que ça se construisait, je sais pas comment on fait. Ah là, j'ai les verres, je les achetais au supermarché, je ne savais pas que ça se construisait. J'avais l'impression que ça se ramassait sur les arbres. Oui, c'est ça, qu'il y avait des verriers, c'était des arbres. Ouais, c'est ça. Oh, je vais aller dans le jardin ramasser des verres au verrier. Tu plantes un verrier, hop là. Hop là, ça pousse. Donc, on passe à la phrase numéro 2 de Jessica, la blonde. Numéro 2. Numéro 2. Ah, elle est pas mal, celui-ci aussi. Lui, il a peur du vertige depuis tout le temps. Il a peur du vertige depuis tout le temps. Tu as peur du vertige? Non, j'ai plus peur de la hauteur. Oui. Mais pas j'ai le vertige. Ah, d'accord. Hein? T'as pas peur du vertige. Pas mal, Jessica. Et la phrase numéro 1. Numéro 1. Celle-ci, faut pas la louper. Jessica, toujours. Qu'est-ce que je vois? Kevin qui embrasse Fidji. Non mais ouais, c'est la cerise sur le pompon, il manquait plus que ça. C'est la cerise sur le pompon. Ah bah oui, oui. Bah, c'est bien connu. Pas mal, Jessica. On était sur Jessica. Elle est grave, elle, quand même. Ah ouais, elle a atteint un truc. Mais elle est gentille, en tout cas. Ouais, sans doute. Non, non, si, elle est gentille. Je connais pas. Pas inventer la poudre, mais tu es gentille, Jessica. Je m'en fous de la culture générale. Moi, j'ai pas de cultivation, on le sait. C'est pas mon délire. Donc, à un moment donné, faut arrêter. Ah, j'ai pas de cultivation. J'avais oublié celui-ci. Et on passe maintenant à Kim, sa meilleure ennemie. Kim qui a refait son entrée. Kim, c'est la brune avec des gros seins. Ouais, c'est ça. Les seins, mais des obus, ouais. Des obus. Numéro 3. Numéro 3. Mais genre, l'Égypte, c'est un pays? Non. Non, non, non. Non, c'est une planète. Ouais, ouais, c'est la planète Égypte. Les Égyptiens sont des extraterrestres. Genre, je vais en France, je vais en Égypte. Oui. Pour moi, l'Égypte, c'est un peuple, en fait. Je t'ai jamais dit, c'est qui les Égyptiens? Cléopâtre. Oh là là. Voilà. Et César. Voilà, et César. Allez, pourquoi pas César? Bah, rajoute, ouais. Bon, numéro 2. Numéro 2. Attention, numéro 2. La première guerre mondiale, elle était en 1945. Eh ben ça, vous le saviez pas, moi non. Ouais, non, putain, elle a duré grave longtemps quand même. Ouais, la première guerre mondiale en 1945 encore. C'est long, hein. Démarré en 14, en 1945, ça continuait. C'est terrible. Ouais, et numéro 1. Numéro 1. Et tu savais qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas? Ça. Oui, je pense, oui. Oui, lui, il est moins con que la moyenne. Tiens, lui, le mec, il en peut plus. Oui, je pense, oui. Tu savais qu'on avait la même lune que tout le monde. Ouais, pour elle, il y a une lune à Marseille. Bah ouais, parce que quand tu regardes dans le ciel, elle est pas toujours au même endroit. Ouais. C'est pour ça, elle a dit, il y en a plusieurs. Ah, elles sont venues à plusieurs, les lunes. Bah ouais, c'est ça, il y a une guirlande de lunes dans le ciel. Ouais. Bah, moi, je pensais qu'il y en avait moins de deux, puisque t'imagines, si en France, ils ont la même lune que nous, mais si elle est là. Non, mais sérieusement, si nous, on a la lune là. Ouais. Comment en France, ils l'ont aussi? Ah bah attends, ça, c'est dingue, ça. Bah ouais, elle est pas conne, elle. Pas de question. Si, un peu. Alors, c'est laquelle la pire des deux pour pas facile à départager. On va faire un petit sondage express là. Qui est la plus intelligente? Kim. Ah ouais, c'est dur. C'est hein. La deuxième, la brune avec des gros seins, ou Jessica, c'est la blonde. Ça veut dire Kim, elle est pas mal, hein, parce qu'entre l'Égypte, qui elle a quand même découvert que c'est un pays, et la lune, elle pensait qu'il y en avait plusieurs. Ah, puis la guerre mondiale, c'était pas mal non plus. Ouais. Toi, tu serais plus pour Kim. Ouais, plus pour Kim, tiens, allez. Carriole. Ah, les deux se valent, hein. Les deux se valent, mais il faut choisir, Carriole. Ah, et Jessica. Jessica pour toi. Ouais. J'aurais été un peu comme Romano, parce que c'est vrai que l'autre nous a fait un trio pas mal. Hein. Bon, l'autre était très bien aussi, hein. Ouais. Tu penses à qui, toi, Sam? Pour moi, c'est Kim aussi. Kim aussi. Comme Romano. Qui est plus bête que l'autre, oui. Et Rémi, il trouve tout à fait normal. Pour lui, il n'y a aucun problème. Non, elles sont toutes les deux bêtes. Oh, mais oui, mais il faut choisir. Bon, ouais, vous nous dites okay. Et on vous donne les résultats de notre sondage express dans un instant. 41759. Avec votre appli Skyrock, vous nous envoyez tout ça. Et puis notre sondage express après notre compile du morning. Les résultats, c'est dans un instant. On va lancer la roulette aussi. Je vois qu'il est 8h57. Je crois que c'est l'heure. Allez, la roulette qui va tourner. Alors, la roulette, c'est au 72020. Vous envoyez roulette au 72020 et vous gagnez votre abonnement 10h, un an d'abonnement à 10h. Ouais. Pour télécharger, pour stocker, pour écouter tous les sons que vous voulez. Il y a tout sur 10h. En illimité, c'est le forfait 10h Premium Plus. Le 10h Premium Plus qu'on vous offre. Vous envoyez roulette au 72020. On vous tire au sort et vous faites tourner avec nous dans un instant. Donc, résultat du sondage du jour au 41759. Et puis au 7-20-20, la roulette qui tourne, c'est pour vous. Et puis c'est dans le morning, évidemment, sur Skyrock. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le lait Viva de Candia peut y contribuer? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva ! Qui fait mieux que Conforama pour vos économies ? Du 23 au 26 septembre, Conforama vous offre 10% de remise supplémentaire pour l'achat de deux produits meubles, déco et gros électroménagers des 400 euros d'achat. Et c'est en plus des promos. Alors, qui fait mieux ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable hors cuisine, voire conditions sur conforama.fr. Je sais pas chez vous, mais chez nous, les vacances, on en profite même avec un petit budget. Resto les pieds dans l'eau et activité à gogo. Et à la rentrée, on reste sur notre lancée. Économie et bon moment en famille. En ce moment, chez SFR, la fibre est à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 44,98€ avec en plus la Première Ligue et la Liga portugaise en exclu sur SFR Sport. Enfin la fibre avec plus que la fibre. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre fibre starter soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients jusqu'au 3 octobre. Location box plus 5€ par mois. Frais d'ouverture de service.

Vous allez voter. Alors la plus conne pour vous est Kim à 81%. Ah ouais. Ah, je crois que les plusieurs lunes, la guerre mondiale de 1945 et l'Égypte qui n'est pas un pays, ça a fait son œuvre. 81% pensaient qu'elle est plus bête que Jessica. Moi Jessica, je la trouve gentille. Mais Jessica, il va falloir que tu te rattrapes quand même. Oui, oui, oui. On te surveille Jessica, on regarde les ch'tis, les Marseillais contre le reste du monde. Ouais, il faudra refaire faire la revanche. La revanche. La revanche des connes. Allez, on fera. On fera une revanche, ouais. Bon ben c'est Kim qui a gagné. Kim, si tu nous écoutes, championne ce matin. Bravo. Bien joué, bravo. Bon, on fait tourner la roulette. Eh oui, la roulette qui va tourner. Puis il y a le zap du morning qui arrive juste derrière. La roulette, c'est avec Hicham, 35 ans, en Avignon. Hicham qui va faire tourner pour gagner Deezer. Allô Hicham. Allô, du full. Ouais, salut. Comment ça va Hicham? Ça va bien l'équipe ou quoi? Ah, ça va bien. Ça va bien l'équipe. Ah, ça fait plaisir. Hein. Franchement, jamais dans ma vie, j'y penserais que j'allais passer un de ces quatre. Ah, c'est la première fois que tu passes sur Sky, toi Hicham. Ouais. Eh ben écoute, on va voir si ça va bien se passer. Je pense que ça va bien se passer parce que la roulette de Skyrock, elle est super. Ouais. Ah, ça va bien se passer. Du moment d'être avec vous, ça se passe bien. Eh, c'est gentil. T'es à Avignon, toi Hicham. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, Avignon. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis à la recherche d'un emploi à l'heure actuelle. Ah bah toi, lance un appel. Alors, on sait jamais. Hein. On va lancer la Sky Solidarité. Vous savez, quand vous avez besoin de nous, Skyrock est toujours là. Alors, tu cherches dans quoi, toi, Hicham? Ah, moi, dans n'importe quoi. Juste, il faut travailler, t'as vu? Bon, alors, vous êtes à Avignon. Je compte sur vous. Vous connaissez quelqu'un qui a un emploi affilé? Vous avez un emploi affilé, pas trop chiant, attention. Hein. Ah oui, oui, pas trop chiant. Pas trop chiant et bien payé, tant bien sûr. Et bien payé. Non, mais vous avez une petite offre d'emploi pour Hicham, il prend dans tout et on vous connecte avec Hicham. Pas de problème. Bon, là, on fait la roulette, Hicham. Okay. Skyrock t'offre ton abonnement premium plus d'un an. Sky. À 10h. Bon, bah, en tout cas, t'as le temps pour écouter plein de sons. Hein. T'écoutes Sky. Tu peux écouter Sky sur 10h. C'est pour fêter l'arrivée de Skyrock sur 10h. Ouais. Ouais, j'ai vu ça, ouais. On vous offre un an d'abonnement à 10h premium plus. T'as tout 10h pour toi. Tout ouais. Gratuit. Y a pas mieux. Nickel. Quand tu veux, tu dis stop, Hicham. Wow. Ah, c'est bien, Hicham. Alors, ah bah le stop mérite bah le cadeau. Hein. Un an d'abonnement à 10h premium plus pour toi, c'est gagné. Bravo. Bravo. Merci l'équipe, franchement, vous assurez. Eh bah, t'assures bien aussi, Hicham. Félicitations. Ah, mais c'est gentil. Y a moyen de faire un petit dédicace? Vas-y, vas-y, profite. Alors, un petit dédicace à ma fille, à mon fils, à ma femme, à mes parents, à tout Avignon et à l'LOM. Ah, ça fait du monde. Et un petit à l'LOM pour finir. C'est vrai qu'avec l'accent, je disais, on n'a pas eu d'LOM. À l'LOM. Ah, l'LOM. L'LOM qui joue contre Rennes ce soir, on suivra le match en direct dans la radio libre dès 21h. Soyez là. Ouais. On sera avec vous. Eh ben j'espère Hicham. Merci à toi Hicham. Et bravo et reviens vite. Hein. Ah toujours à l'écoute. Toujours super. Avec vous les gars. Salut à toi, tu salues tout Avignon pour nous. Bravo Hicham. Merci. Salut Hicham. Et puis bravo à tous nos gagnants ce matin. On a offert des téléphones, on a offert la PS4, la nouvelle, la PS4 Slim. Ouais. 1500€. Et 1500€. Et puis on s'est bien marré. C'est le zap du morning tout de suite à 9h06 sur Sky. Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. Didier. C'est qui les bandes de cons hein? Eh hop hop hop, Didier, on se calme. Je suis quand même un scientifique de la faculté de santé publique de Washington. T'as l'air plutôt d'un connard, ouais. J'expliquais à ta femme, j'ai regardé par vos fenêtres, dis donc le ménage, c'est en option chez vous, a priori. T'es dans le coin? Ouais, parce que je voulais venir faire le ménage. Tu peux venir me voir, là, 5 minutes? Ah. J'espère que t'es moins dégueulasse que ta baraque, sinon moi je vais être obligé de te laver. Hein. Et le prix sera. Viens voir, moi je vais te laver un petit peu. Viens voir. Ah, on se lavera tous les deux. Amène-toi, je te dis. Ben j'arrive, Didier, sois pas pressé, hein. Écoute. T'as vécu jusqu'à maintenant dans la porcherie. Tu peux attendre une demi-heure de plus. Oui. Tu peux bien attendre 5-10 minutes. A tout de suite, mon chéri. Salut Didier. Bisous. Et ben voilà, bien, voilà, Manon. Voilà, bravo, enfin. Bravo. Putain, ta gueule. Oh Cédric, ouais, c'est la fin. Le morning remix avec Cédric en featuring et Drake que vous avez entendu. Et Jean-Claude Van Damme réveille Stéphane ce matin. Ouais. Il le file chez Stéphane, il va réveiller Stéphane, c'est parti. Mise en contact de la star Jean-Claude Van Damme avec la famille de Stéphane. Bonjour. T'as pas autre chose à foutre que de t'amuser avec le téléphone. Faut vraiment être malade pour jouer avec un téléphone. C'est là. Non, vous rigolez, ça te fait rire? Si tu me cherches trop, je te transforme en chip. Moi, ça me fait pas rire, hein, je vais te le dire. En plus, je plaisante pas, mon beau-frère est là, il est gendarme. Effectivement, si t'as envie de t'amuser, eux, ils ont des techniques, ça va être vite fait. Tu vas pas t'amuser longtemps. Pour moi, maintenant, it's over. Nous, c'est la radio Rudy au téléphone. On est en direct dans toute la France. Salut Rudy. Salut. Et on vous appelle les Leroux pour vous offrir 1500€. Oui. Je vais te demander quelle est ta radio préférée. Si t'as la bonne réponse, tu repars avec ton chèque. Skyrock. c'est gagné. Tranquille. Bravo. Bah ouais, tranquille, Rudy. Bravo. Eh, tu viens de gagner 1 500 euros, Rudy. Bien joué, Rudy. Oh putain. Pas beau. Oh merci. Attention, il y a 1 500 euros à gagner, Anissa. Oui, dis-moi tout. Ah, c'est toi qui vas tout me dire, parce que moi je vais te demander quelle est ta radio préférée, Anissa. Skyrock. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Eh ben t'as gagné Anissa, 1500 euros à Clermont-Ferrand. Ah c'est trop beau. Anissa c'est la sœur de Tarzan. Ouais, ouais, Skyrock. Bravo Anissa, ouais, t'as répondu Skyrock, t'as gagné 1500 euros. Dites-le autour de vous hein, et prenez une petite commission hein, si quelqu'un qui n'écoutait pas Skyrock vient écouter Skyrock, répond Skyrock et gagne 1500 euros. Vous avez droit à une com. Hein. Ouais, oui, bien sûr. Tu prendrais combien Romano? Si par exemple tu donnais un conseil, je sais pas, quelqu'un qui n'a jamais écouté Skyrock, tu dis viens écouter, il écoute, il aime bien et il répond Skyrock. Ah, au moins 50%. Au moins 750 pour toi. Ah bah ouais, minimum. Bah attends, sans moi, il ferait rien. C'est vrai. C'est vrai. Bon, 1500 euros à gagner. Vous pouvez vous inscrire au 72020. Vous envoyez 1500 au 72020 pour augmenter vos chances de gagner. 1500 euros, c'est tous les matins dans le morning sur Skyrock. Bravo à Rudy. Bravo à Anissa. On fait de gros bisous. Allez, vous avez entendu dans quel état était Cédric hier. Faut qu'on vous explique quand même cette histoire. Parce que Cédric, on l'a eu hier soir dans la radio libre pour prendre des nouvelles. On prend régulièrement des nouvelles. Bah tous les jours avec sa clavicule. Il a une clavicule cassée, oui. Et quatre queutes. Et quatre queutes. Il a pris pendant l'émission un peu de morphine parce qu'il a mal, donc c'est pour calmer la douleur. Ouais, c'est un traitement médical, hein, il prend pas ça comme ça. Hein. Et écoutez, dans quel état ça l'a mis ? Non. Là, il chantait. Écoutez, dans quel état ça l'a mis ? Et écoutez-le chanter sur Drake. Intelligence. Vous avez entendu ça un peu ? Tout ça à cause de la morphine. T'as craqué. Je sais pas dans quel état on va le retrouver ce soir, Cédric, mais en tout cas, on aura des nouvelles. On en prendra entre 21h et minuit. On compte sur vous, 21h minuit, Radio Libre. Venez faire les cours avec nous dès 21h. Et puis, bah, demain matin, le morning, entre 6h et 9h, on vous retrouve, comme tous les matins. Ouais. Les 9h10, mais on est pile à l'heure. C'est l'heure d'en trouver Fredo. Salut Fred. Ça va ? Ciao. Bien. T'as entendu mieux que Cédric, en tout cas. En même temps, c'est une belle campagne anti-drogue. Hein. Cédric divague. Oui. Regarde-moi ça. Tu sais qu'il chantait PNL là ? Ouais. Mon Dieu. Si les PNL nous écoutent, Cédric adore votre morceau. Hein. Sous morphine, il le fait bien. Non. Ah, j'ai mis comme une biatch. Ça, c'était hier soir en direct dans la Radio Libre. On a passé une belle soirée hier soir, une belle matinée. Sans trucage, sans rien. Hein. Ah, sans rien. Ah, vache. C'est Morphine Remix. Si tu veux, tu peux passer le Morphine Remix de Drake, hein, si t'as envie. Ah, bah écoute, c'est Drake en futuring. Peut-être tout à l'heure. Magnifique. Si on a besoin de rebooster un petit peu. Bon, Fred, c'est à toi. Bonne journée à vous. Rendez-vous tout à l'heure, 21h, demain matin, entre 6h et 9h. Et restez bien sur Skyrock. Il se passe plein de choses toute la journée. On a plein de nouveautés, plein d'exclus à vous passer. Et jusqu'à midi, c'est Fred qui s'en occupe. Ciao, ciao. Salut, Fredo. Ciao. À toutes. Et à tout à l'heure, tout le monde. Ciao. À ce soir. Ciao. C'est parti sur Skyrock à 9h12. Le son rap R&B en non-stop. J'espère que tout le monde va bien. La roulette qui va tourner aussi. Il y a Hicham, tiens, qui a chopé son abonnement Deezer il y a quelques minutes. Vous aussi, vous pourrez choper l'abonnement Deezer pour écouter la musique en illimité. Pour écouter Skyrock qui vient débarquer sur Deezer. Ce sera tout à l'heure avant midi pour faire tourner la roulette. 7-20-20 pour s'inscrire et faire tourner la roulette. Et le son sur Skyrock maintenant, c'est celui DJ Snake, Let Me Love You. Avec Justin Bieber qui a retourné l'Arena de Bercy hier soir. Tiens, il est à Paris, Justin Bieber. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle.